Satan dévoilé. Satan tout nu? Ben oui. Je me demandais pourquoi on avait écrit ça de cette façon-là. Je me disais, pourtant, il ne se cache pas. Il y en a d'autres qui pensent... Effectivement, on se demande si l'homme se cache de Satan ou si Satan se cache de l'homme. Est-ce que Satan est toujours un mythe du passé ou un personnage du passé? Est-ce qu'il existe encore? Bon, si on regarde, disons, la capacité de la salle, on peut en conclure que Satan existe sans doute quelque part encore. Parce que je ne pense pas que les gens se déplacent pour entendre parler d'un phénomène qui est tout à fait inexistentiel. Maintenant, on a parlé souvent de Satan dans le passé. Évidemment, ça a été un mythe qui a permis à différentes théocraties, donc gouvernements, disons, religieux, de pouvoir manipuler l'humain de façon à obliger l'humain à entrer dans un chemin de l'évolution, un chemin théologique, un chemin religieux, un chemin sectaire, pour la simple raison que si ce n'est pas du côté d'une certaine religion que l'humain va, Satan va venir lui piquer le derrière avec sa fourche. Alors, dans l'Antiquité, on s'est servi énormément du phénomène satanique pour pouvoir contraindre l'humain à se diriger d'un endroit à un autre. On peut parler, évidemment, Satan, c'est un terme qui est beaucoup plus chrétien ou catholique. Maintenant, on a dans d'autres religions, dans d'autres langues, d'autres mots pour désigner, encore une fois, les forces du mal. Alors, c'est un phénomène qui date de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, l'humain n'ayant pas de connaissances technologiques comme aujourd'hui, c'est-à-dire que l'homme n'avait pas une science aussi, disons, grandiose que la nôtre, parce qu'elle n'est pas complète, elle reste incomplète, mais elle est quand même beaucoup plus vaste que dans l'Antiquité. Alors, étant donné que l'humain ne pouvait pas se fouiller dans un dictionnaire pour connaître la définition de Satan, que l'humain ne pouvait pas fouiller dans des livres pour connaître Satan, l'humain n'avait pas d'autre choix que de se fier à son intuition. Et son intuition lui a fait, à l'instant même où la conscience de l'évolution est apparue dans la tête de l'homme, et cela, disons, la Genèse place cela, la Bible place cela au début de la création de l'humanité au niveau de la Genèse, tandis qu'ésotériquement, on parle de l'apparition de la sexualité de l'homme en Lémurie et évidemment l'apparition de la conscience d'évolution. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque dans l'Antiquité, l'humain avait l'intuition, un phénomène énergétique qui lui permettait de savoir des choses sans les avoir apprises, ce qui, disons, se rapproche d'une façon assez intéressante du savoir instantané, de l'intelligence active, du contact supramental, enfin de l'esprit, dont je fais allusion souvent. Maintenant, plus l'humain accumule de la connaissance, de l'information mémorielle, plus l'humain tend à faire référence à celle-ci avant de faire référence à son intuition, ce qui fait qu'au cours de milliers d'années d'évolution évolutive, donc d'évolution spirituelle, l'humanité, l'être humain, l'homme, la femme, l'enfant, finit par oublier complètement le goût énergétique de l'intuition pour ne faire référence qu'à ses mémoires. Et alors, l'humain finit par, évidemment, on invente l'école, on engendre l'instruction, l'éducation, et dans l'éducation, dans l'instruction, on enseigne bien à l'homme qu'il ne peut pas savoir quelque chose s'il ne l'a pas appris. Et pour l'apprendre, il doit se référer à ce que les autres ont écrit ou dit dans le passé, ce qui fait qu'on finit, et plus l'évolution de l'humanité technologique avance, on finit par confiner l'évolution réelle améliorative de l'humanité dans un carcan qui s'appelle le passé, c'est-à-dire que tu ne peux pas rien savoir si on ne te le montre pas. Et si moi je te le montre, j'ai dû l'apprendre. Si j'ai dû l'apprendre, il a fallu que je le lise ou qu'on me le donne, et celui qui me le donnait, il a fallu qu'il l'apprenne. Cela veut dire que si on fonctionne par ce principe, on doit donc comprendre aujourd'hui que si on doit absolument apprendre que par ce qui est su, ben, on ne saura plus rien de neuf. On est confiné à ne patauger que dans le passé. L'intuition, donc, à l'école, l'instruction a fait dire aux élèves, où tu as pris ça, tu n'as pas appris ça encore, tu n'as pas, etc. Moi, quand j'allais à l'école, à un moment donné, en mathématiques, on avait un paquet de formules relativement complexes pour arriver à une réponse. Alors, moi, je trouve un truc qui est tout à fait mathématique et qui amenait la même réponse, mais qui prenait peut-être 15 minutes de moins. Le professeur me dit, comprenant pas la technique, il dit « Non, tu peux pas arriver à une réponse logique avec un cheminement illogique. » Ben oui, mais si j'arrive avec une réponse logique, c'est que le cheminement est logique. C'est logique. Alors, le professeur, non. Alors, en fin de compte, j'étais le seul qui, à l'examen, devait écrire toute la formule pour lui prouver que j'étais bien passé par sa maudite formule. Les autres mettaient rien que la réponse. Parce qu'il voulait pas que j'utilise ma formule. Alors, je ne pouvais pas savoir quelque chose que lui ne savait pas parce que lui avait appris à l'université les mathématiques. L'intuition finit donc par totalement disparaître de l'évolution de l'humanité pour la simple raison que l'humanité finit, et c'est le cas de la majorité d'entre vous, finit par ne plus être capable de supporter ce qu'il sait. Tu as le feeling que tu devrais faire telle chose. Alors tu demandes à un autre, toi, s'il n'y a pas le même feeling que toi. C'est-à-dire que tu demandes l'opinion d'un autre. Mais l'autre qui n'a pas le même feeling que toi, ça va de soi. Alors ce qui fait que là, en partant, tu finis toujours par faire référence à ton expérience passée, à tes mémoires, aux mémoires des autres, l'opinion d'autrui, pour pouvoir engendrer une vie évolutive, une vie améliorative, pour pouvoir foncer d'avant. Dans l'Antiquité, on pouvait reconnaître une phénoménologie d'involution, une force d'involution, une force qui porte le nom, disons, chrétien, catholique, de satanique. Et on avait évidemment à l'opposé une force d'évolution qui portait le nom à l'époque de force yavique. Dans l'évolution des humanités, on finit évidemment par personnifier continuellement les énergies. Alors, on avait la foudre qui pouvait mettre le feu aux forêts, et on a fini par personnifier la foudre. Et par exemple, les Romains, les Grecs connaissaient le dieu Thor. Ils avaient Thor, mais enfin, ils connaissaient quand même le dieu des vents. Et on a toujours personnifié toutes les forces de la nature. Alors, on avait le dieu ou la déesse de la fécondité. On avait la déesse de la chasse, on avait le dieu du soleil, on avait le dieu de la mer, Poséidon, on personnifiait. Et le phénomène de Satan, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une énergie. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie? Disons que c'est un phénomène perceptible par les sens, amiques de l'homme, de la femme, donc qui n'est pas perceptible par les sens physiques, mais qui est perceptible par les sens de la conscience de l'homme. Les sens amiques, les sens de l'âme, parce que c'est au niveau astral, donc au niveau amique et égoïque, que va se passer la détection de ces forces. Alors, c'est un peu comme l'air. L'air, on ne le voit pas, mais on peut le sentir. Si on avance la main, on sent le courant d'air. L'air n'a pas d'odeur comme telle. Évidemment, si on rajoute des essences, ça a de l'odeur, mais pas comme telle. Et ce n'est donc pas parce que les sens physiques ne détectent pas une chose qu'on ne peut pas se fier au sens de la conscience. Dans l'Antiquité, l'humain pouvait donc goûter. Alors, il pouvait regarder quelqu'un et savoir de quelle énergie, c'est-à-dire quelle était l'énergie qui manipulait la conscience de l'individu. À l'époque, on appelait ça posséder. Ce qui est intéressant, c'est que l'humain a toujours été possédé par Dieu ou par le diable. Mais on appelait posséder quand c'était le diable et on appelait contacter ou connecter ou brancher ou illuminer quand c'était Dieu. Parce que l'être humain fonctionne toujours péjorativement. Il y a toujours quelque chose de yark et quelque chose de mum. Sauf que dans la réalité des choses, il y a les choses comme elles sont, il n'y a pas de yark, il n'y a pas de mium, pour la simple raison que chaque chose a une raison intelligente d'exister. Et Satan a effectivement une raison majeure et intelligente d'exister sur le plan planétaire et de manipuler les consciences de la masse par le biais de l'intelligence collective ou, si on préférait, de l'absurdité collective. À ce moment-là, dans ce temps-là dont tu parles, l'Église parlait beaucoup de Satan. Aujourd'hui, on n'en parle plus, pour ainsi dire, pas du tout. Alors, dans l'Antiquité, ce n'était pas important de parler de Satan. On parlait de Satan pour manipuler les masses à se diriger vers des religions particulières, mais ce n'était pas important de parler de Satan parce que Satan n'avait presque pas de puissance. Aujourd'hui, où l'être humain se conscientise, donc devient plus raffiné, devient plus sensible, c'est mauditement plus dangereux de ne pas parler de Satan. Alors, on en parlait quand ça servait presque à rien et on n'en parle plus quand on devrait en parler. Bon, on sait très bien que lorsqu'on a deux individus qui vivent en couple, lorsque l'un commence à bien aller, l'autre va automatiquement plus mal. Et quand lui commence à remonter, c'est l'autre qui s'écrase. Ça marche comme un moteur, ça marche comme ça. Hein? Ça monte, ça descend. Bon. S'il y en a un qui... En tout cas, je pense que tous ceux qui vivent en couple connaissent, la majorité connaissent ce phénomène. Ça peut être dans une entreprise, ça peut être... Enfin, on est toujours assujetti à être manipulé par des forces qui apparemment créent un cycle. On va dire, oui, mais c'est cyclique. Oui, mais pourquoi il faut que ça existe absolument, ce phénomène-là? Je veux dire, il ne pourrait pas avoir deux personnes qui puissent vivre convenablement... Avant de répondre, on va parler de comment Satan est apparu, qui a créé Satan, de quelle façon il est constitué, et puis après ça, on verra s'il y a une intelligence aux forces sataniques, parce que sinon, on ne pourra pas comprendre le phénomène. Alors, il faut immédiatement séparer Belzébuth, séparer Lucifer et séparer Satan. Parce qu'à un moment donné, on finit par tout mélanger. C'est comme les dieux. Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu, c'est l'eau. Bon, ben, c'est d'accord. Dieu, c'est le créateur de l'univers. C'est pas du même Dieu qu'on parle, parce que ce Dieu a été créé. vu que c'est, l'eau était créée. Donc, en partant, il y a énormément de, disons, de paliers de ce que l'être humain pourrait appeler Dieu. Hein? Pour certains, Dieu, c'est le diable. On a énormément de religions diaboliques aux États-Unis. Alors, Dieu, il faut s'entendre. C'est un peu le même phénomène. Lucifer, c'est un mot qui sert à désigner un phénomène planétaire. Belzébuth, c'est un mot qui sert à désigner un phénomène planétaire. Et Satan, c'est un mot qui sert à désigner lui aussi un phénomène planétaire. Alors, c'est important de ne pas mélanger les trois. Belzébuth, c'est simplement les forces de la nature, c'est-à-dire que c'est la conscience des énergies vitales de notre planète, c'est-à-dire que chez les Romains, on appelait ça la Terre, simplement. La mère, la Terre. Et lentement, elle a porté un nom qui est celui de Belzébuth. C'est donc simplement la personnification des énergies qui font pousser les plantes, qui font pousser les arbres, qui engendrent, qui permettent génétiquement de conserver la vie, c'est-à-dire donc de procréer. Alors, les forces belzébuthiennes ou Belzébuth, ce sont simplement les énergies de la nature. On a dans l'Antiquité certains termes. On parle de farfadet. On parle de gnome, on parle de hobbit, on parle de lutin. Ce sont tous des mécanicités, disons, belzébuthiennes, un peu comme les fées aussi de l'Antiquité. Maintenant, c'est normal qu'il n'y en ait plus aujourd'hui. L'évolution de l'humanité, en tout cas, il y a des choses sur lesquelles on pourra venir, mais l'être humain a fini par absorber ces choses. Et les forces belzébuthiennes ne sont, en fin de compte, qu'une personnification des énergies vitales, des énergies de la vie qui permettent à la planète Terre de garder un système, disons, une certaine harmonie écologique. Étant donné que l'être humain massacre de plus en plus par sa pollution, par ses guerres, par ses, disons, constructions, son expansion matérielle, les forces de la nature, alors Belzébuth a toujours été, à l'instant où l'humain a commencé à, disons, à grandir au niveau matériel, Belzébuth a été personnifié comme un phénomène, soit mi-bélier, mi-homme, mi-cheval, mi-homme, qui était extrêmement antipathique à l'humain et qui avait une idée, disons, détruire l'homme. C'est normal, les forces de la nature n'ont qu'une seule fonction, préserver le cadre dans lequel on est. L'homme le détruisant, ça crée évidemment un tourbillon au niveau des forces naturelles, ce qui fait qu'effectivement, les forces belzébuthiennes ne veulent plus travailler avec l'homme. Si on va voir, par exemple, en Écosse, où on avait, à un moment donné, la commune de Finorm, qui justement travaillait avec les forces de la nature, souvent, ces personnes ont dit et ont écrit avoir vu des lutins, même avoir rencontré, à un moment donné, Belzébuth. Alors, c'est des choses qui, peut-être, paraissent suspectes pour la majorité des gens, parce qu'effectivement, on ne rencontrera pas un lutin ou Belzébuth en pleine ville. Bon, parce que la nature, elle est humaine. Si la nature, elle est humaine en pleine ville, on va, par contre, rencontrer la correspondance, disons, humaine de Belzébuth, et c'est Satan. Lucifer est un être de lumière, on l'a vu dans la Bible, d'ailleurs Lucifer veut dire porteur de lumière, c'était donc un être de lumière, ce n'était pas Seth, un être de lumière, qui en même temps que l'humanité, donc en même temps que tous les humains de notre planète, qui étaient eux aussi des êtres de lumière, qu'est-ce que c'est qu'un être de lumière? C'est pas un flambeau qui se promène la nuit pour éclairer les autres. Vous savez qu'il y a eu des naufrageurs, vous connaissez ça des naufrageurs? Hein? C'était des individus dans l'Antiquité qui allumaient des feux sur les côtes à récifs pour faire comme s'il y avait un phare et les bateaux se dirigeant vers la lumière, ben, allaient carrément s'échouer. Puis là, les pirates pouvaient piller bateaux. C'est ça, un naufrageur. On a beaucoup de guides de lumière sur la planète Terre qui sont en fin de compte des naufrageurs. Bon. Alors, Lucifer est un être de lumière, ce n'est pas un guide de lumière, parce que le phénomène du guide est un phénomène relativement archaïque qui a encore, évidemment, sa connotation aujourd'hui. L'être humain doit devenir son seul maître, donc il ne doit pas rechercher un guide. Il peut rechercher de l'information, il peut rechercher de l'énergie, parce que qu'on prenne de l'énergie pour mieux comprendre ou qu'on prenne une pomme pour mieux se nourrir, c'est le même phénomène, on prend de l'énergie. Mais de là à s'assujettir à la conscience d'un guide, il y a une marge. Lucifer est un être de lumière qui, en même temps que l'humanité, est descendu à l'échelle de notre planète lors de la création de cette planète, de façon à pouvoir créer un cadre qui permettrait un jour, et ce jour s'en vient, c'est relativement proche, quelques milliers d'années encore, et qui permettrait donc un jour à l'intelligence, donc à l'esprit, de pouvoir connaître la matière sans perdre sa conscience espritique. Lorsque, à l'époque de la création de notre planète, et qui est une planète, disons, assez typique dans la création, lorsque les êtres de lumière sont descendus à l'échelle de notre planète, ils devenaient assujettis à la densification temporelle, c'est-à-dire qu'ils devenaient assujettis au phénomène du temps et de l'espace. Donc, ils perdaient de leur vitesse vibratoire, on appelle ça l'involution. Lorsqu'ils perdaient leur vitesse vibratoire, ils perdaient en même temps leur conscience. Donc, ils ne pouvaient plus être aussi intelligents parce qu'ils étaient gelés. Prenez de la drogue, prenez de la boisson, Vous avez beau être intelligent, quand vous allez être assujetti à la vibration, donc, de cette boisson, vous aurez une rapidité vibratoire beaucoup plus lente. Votre cerveau va travailler beaucoup plus lentement. Vous allez avoir des difficultés à contrôler les muscles pour pouvoir parler. Et puis, vous ne serez plus aussi brillant. Bon. Donc, si c'est le même phénomène pour ce qu'on appelle des êtres de lumière, des esprits, mais pas les esprits dans le sens fantôme, on parle de l'esprit, ce que l'humain était. Lorsque l'humain arrive à l'échelle de notre planète, il doit, premièrement, il n'a pas le choix de baisser en vibration, c'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. Maintenant, pourquoi on a enseigné dans la Genèse, qui est l'un des livres les plus intéressants, disons, préhistoriques, pourquoi on a enseigné dans la Genèse que l'être humain avait commis un péché et qu'il avait fait une chute? Et par la suite, on a évidemment instauré la manipulation, la tentation des forces sataniques. Pour la simple raison, je l'ai dit souvent en conférence, mais là, avec les phénomènes sataniques, on va pouvoir expliquer un peu plus, que l'humain, il n'y a pas une seule maudite forme d'intelligence dans notre création qui aurait le culot de venir sur un contexte planétaire comme le nôtre et qui voudrait y rester. Vous savez tous les problèmes que vous vivez depuis que vous êtes au monde, mais vous ne connaissez pas les problèmes que tous les humains vivent sur le plan planétaire et de tous les problèmes non plus que l'humain a vécu dans le passé. On a des pays présentement où ça vit mauditement pire que nous autres. Mais vous connaissez quand même vos problèmes. Il n'y a pas d'intelligence qui accepterait, pour le plaisir des beaux yeux de je ne sais quoi, de vivre sur un contexte planétaire tout en étant mémoriellement ou, disons, vivant, consciemment, conscient de ce qu'il est. Alors, lorsque l'humain est arrivé à l'échelle de notre planète, il a perdu sa vibration, et perdant sa vibration, il pouvait devenir de la matière. D'ailleurs, ça a pris plusieurs millions d'années avant que l'humain puisse commencer à recevoir un peu plus, disons, de vibration de conscience, avant que l'âme apparaisse à l'intérieur de l'homme. Et il n'y a pas un humain qui accepterait de rester dans le contexte de notre planète s'il pouvait se souvenir donc d'où il vient. Il y a donc ce ciel qui est créé en même temps que la terre. La Genèse en parle bien. Dieu créa le ciel et la terre en même temps. On n'a pas le choix. Lorsque l'esprit, lorsque le phénomène lumineux, donc lorsque l'intelligence de l'esprit, l'intelligence divine, appelez ça comme vous voudrez, descend à l'échelle d'une planète qui est en constitution, la planète Terre entre autres, qui à l'époque était en ébullition, elle descend et elle perd une grosse partie de ce qu'elle est comme conscience. Cette mémoire de la conscience va rester à l'échelle de notre planète dans les molécules de l'air pour constituer les archétypes cosmiques, c'est-à-dire ce qui, par la suite, va servir de référence à l'humanité qui évolue sur le plan planétaire, c'est-à-dire que toutes les fois que l'humain se demande d'où c'est que je viens, automatiquement, énergétiquement, il cherche une réponse et où il va trouver sa réponse, sur l'archétype, donc dans le ciel, où on va lui dire « toi, tu as été créé ». Sauf qu'en réalité, oui, il a été créé, mais il a été créé par lui. Oh, bon, là, on va boire un petit coup d'eau. Là. Puis, sentez-vous pas coupable non plus, c'est le vôtre, évidemment. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que ce phénomène, donc, l'énergie descend, elle crée un archétype, créant l'humain. Alors, l'humain qui essaie de comprendre ce qui lui arrive, fait toujours référence aux mémoires archétypales. C'est pourquoi, d'ailleurs, on va avoir le culte des ancêtres à un moment donné. Et c'est pourquoi aussi, partout sur la planète, lorsque l'humain se pose les mêmes questions fondamentales, il a similairement les mêmes réponses qui sont quand même colorées. Mais il y a une chose, c'est que l'être humain ne doit pas être assujetti aux forces lucifériennes. C'est-à-dire que Lucifer, qu'est-ce que c'est? Lucifer, c'est un bon yob. Bon. C'est un être de lumière comme vous et moi, mais qui n'a pas été capable de supporter l'idée de rester à l'échelle de notre planète. Donc, Lucifer est la force, disons, massive, qui pousse chaque ego, chaque homme, chaque femme, à vouloir évoluer. Chaque ego qui a évidemment un degré vibratoire suffisamment grandiose pour pouvoir le contenir. Lucifer, c'est effectivement un être de lumière, et j'ai expliqué souvent que Lucifer avait comme fonction de dire à chacun d'entre les hommes, tu sais, laissez votre corps, faites quelque chose, mais rejoignez Dieu, grimpez. Évidemment, on ne pense pas que Lucifer est un phénomène justement qui veut pousser l'humain à évoluer. Lucifer est un phénomène qui est arrivé sur le plan terrestre et qui veut absolument sacrer son camp. Alors, si on veut comprendre la mécanicité luciférienne, il y a de cela très très jadis, sur une terre, disons, qui porte la terminologie d'Éden ou de Lémurie, et sur laquelle vivaient des animaux qui avaient un potentiel génétique, donc un potentiel biologique, d'avoir, de développer un jour un cerveau suffisamment solide pour pouvoir recevoir de l'intelligence sans que l'intelligence ne devienne animale. Et c'était évidemment l'animal humain. Les êtres, disons, ce qu'on appelle l'esprit, vous et moi, lorsqu'ils sont venus sur le plan terrestre, et donc cela, c'était, la Terre était relativement nébuleuse encore à l'époque, c'est-à-dire que c'était relativement gazeux, c'était pas solide, ils sont arrivés et seulement au contact de nous et de ces animaux humains, alors il devait y avoir une évolution plus rapide de la génétique de l'homme, un peu comme quand tu prends une poule, tu rentres chez vous, tu l'éduques un peu comme chez vous, mais à un moment donné, la poule a fait ses besoins à telle place, elle se lève le matin, elle crie pas, ton chat fait la même chose, le chien amène les souliers, le loup le fait pas. Mais au contact de l'homme, tu finis par créer, par induire une évolution qui fait que le chien d'instinct aime l'homme. Bon, que le chat d'instinct va aimer l'homme. Bon, il faudra que tu éduques le chat à pas aimer l'homme, ou tu le mettes dehors, mais d'instinct, ça va suivre. Alors, ce qu'il faut comprendre, le cheval, c'est le même phénomène. Le cheval a besoin de l'homme. Le cheval adore travailler avec l'homme. La vache, c'est la même chose. Bon. Plus vache, mais ça aime quand même ça. Bon. Tant qu'ils connaissent pas la boucherie et toutes ces choses-là. C'est beau être une vache, mais quand même. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution de nous en tant qu'esprit à l'échelle de la planète aux côtés de ces animaux devait simplement permettre à cette race animale humaine de pouvoir suffisamment évoluer. Alors, ça aurait pris quelques milliers d'années. Et par la suite, il y aurait eu un mixage génétique engendrant l'homme. Le problème, c'est que Lucifer voulait que ça se fasse au plus sacrant. Alors, ça n'a pas été long qu'il y a eu un mixage qui s'est fait. Tout ce que ça a donné dans l'animal humain, ça a engendré la race humaine, ça a augmenté de certains degrés l'évolution de l'animal humain pour permettre à cet animal humain-là d'avoir une âme et d'avoir un ego, mais pas d'avoir de contexte mental, de contexte espritique ou intelligent. Alors, l'animal humain ayant maintenant de l'ego prenait conscience qu'il vivait. Prenant conscience qu'il vivait, prenait aussi conscience de son pouvoir de manipulation sur l'extérieur. Il ne voulait plus mourir, il voulait posséder, il engendra les guerres et tout un paquet de phénomènes que l'on connaît depuis le début. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que Lucifer avait une idée, c'était de sauver l'humanité au plus sacrant, et il a engendré la race humaine que nous connaissons aujourd'hui. Parce que le père de notre humanité, c'est effectivement Lucifer. Maintenant, on va dire, oui, mais Dieu aurait pu intervenir, donner 3 ou 4 fessées à Lucifer. Le problème qu'il y a, c'est que Lucifer, faisant ceci, obéissait de toute manière à des ordres divins parce qu'il n'y a pas aucun phénomène, ce que moi je pourrais entendre, disons, ce que j'appelle l'intelligence, ce que plusieurs appellent Dieu, est suffisamment intelligent et suffisamment puissant pour être conséquentiel de ses actes, ce qui fait qu'il n'y a rien qui se fait en dehors de ce qui est permis. Et les forces sataniques non plus. L'être humain étant donc dans une sphère où il avait été engendré, donc dans de l'animal, l'animal humain, devenait donc un être humain. L'être n'était plus un être de lumière, mais un être humain. Et cet être pouvait donc maintenant, avec son ego, énergiser ce que moi j'appelle le ciel, qui est le monde de la mort, énergiser une conscience collective relativement planétaire pour pouvoir maintenant créer des humanités et expérimenter le phénomène de la matière, le phénomène de l'émotion, le phénomène de la souffrance, pour lentement induire le corps mental qui maintenant habite la majorité des individus. L'intellect, c'était la partie naissante de ce mental. Et lentement, on remonte le processus énergétique, donc on recommence le processus d'évolution, pour à un moment donné finir par avoir suffisamment de conscience mentale chez soi, donc une conscience analytique logique, qui fait que tu es capable maintenant d'observer les événements sans toujours être manipulé par toutes tes émotions, qui fait que tu ne peux plus rester efficace, tu ne peux plus agir. De plus en plus, l'humain est encore assujetti à son phénomène émotif, mais de plus en plus, l'humain tend à, justement, à ce désassujettissement de la manipulation négative de l'émotion. L'émotion est un phénomène qui n'est pas négatif, qui n'est pas positif, mais lorsque l'émotion t'empêche de réfléchir, lorsque l'émotion t'empêche d'agir, bien évidemment, l'expression de l'émotion dans le contexte de l'efficacité, c'est pas génial. L'humain, augmentant donc son potentiel vibratoire au cours des millions d'années d'évolution, finit par avoir une puissance génétique biologique, une puissance génétique vitale, donc énergétique, qui lui permet à un moment donné d'entrer en contact avec l'esprit, donc avec lui-même, donc avec Dieu ou avec l'intelligence. Et il est capable de supporter ce contact, donc avoir une expansion de conscience. Supportant le contact, il permet à Dieu, qui est en phase d'involution parce qu'il veut rejoindre l'homme, de ne plus évoluer. Et maintenant, l'homme peut maintenant, au contact de ce phénomène, continuer à monter. Dans l'Antiquité, toute l'évolution se faisait des énergies telluriques, belzébuciennes, vers la tête. Alors, on a, évidemment, au niveau de la race aryenne, la race, disons, de l'Inde, on a inventé des techniques qui permettaient à tout ce qui partait d'en bas de monter vers le haut. Alors, on a le tantris, on a toute la phénoménologie de l'énergie du kundalini qui montait, disons, par l'intermédiaire des chakras, les carrefours d'énergie, pour réveiller différents centres, pour arriver à la tête. Le maudit problème, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas de personnes qui sont ici, tous ces phénomènes ne servent plus à rien pour la simple raison que l'évolution se transmet très lentement, mais se transmet par la génétique. Alors, ce qui fait que tous les chakras de tout le monde sont suffisamment ouverts maintenant. Oh, même si un voyant te dit que le voyant, il voit ton chakra à travers le sien, hein, parce que son aura qui est en avant de la tienne, ce qui fait qu'il mélange les deux, le voyant ne le sait pas. Mais tu sais, t'as un beau bleu. Oh, ouais, t'as un beau jaune, lui, un beau vert. Fait beau, oui, un beau bleu. C'est un beau bleu, ça n'a rien à voir. Alors, on voit un paquet de phénomènes qui ne sont pas compris, évidemment, par les voyants, parce que le voyant est assujetti par l'intuition aux phénomènes astraux, qui sont le phénomène du plan du monde de la mort, donc le phénomène astral. Alors, le voyant ne sait pas. On n'a plus besoin de ça, parce que maintenant, l'évolution ne se fait plus des pieds vers la tête, mais elle se fait maintenant d'en haut vers en bas. Alors, l'humain doit donc lâcher toutes les techniques ou tous les phénomènes techniques qui permettaient dans l'Antiquité de créer une évolution raciale, de créer une race de plus en plus solide pour maintenant commencer à suivre une évolution qui est adaptée à son corps physique, en l'occurrence, tous ceux qui sont sur le contexte nord-planétaire. Alors, ce qu'il faut comprendre donc, c'est que maintenant que l'humain arrive à un palier suffisamment puissant, il peut maintenant entrer en contact avec l'esprit qui tend à le rejoindre, sans que cet esprit n'ait à descendre au niveau des paliers inférieurs et devenir encore une fois animal. Donc, ce qui peut recevoir de l'esprit, il n'y a que l'homme. Parce que lorsque l'animal reçoit l'esprit, ce qui rentre dans l'animal, c'est un phénomène qui est au niveau de l'animal. Alors, ça reste animal, ça ne lui permet pas d'évoluer. Lorsque ça rentre chez l'homme, ça crée des tourbillons dans son ego, donc dans son âme, ça crée des tourbillons dans son mental, ça crée des tourbillons dans un contexte supramental à un moment donné, et ça fait en sorte que la conscience de l'homme grandit. Mais si l'homme veut toujours faire référence à ses mémoires, donc à son passé, ce contact étant nouveau pour l'homme, bien évidemment, il reçoit quelque chose, il vérifie, il dit « Non, pour moi, je dois capoter. » Bon, le maudit problème, c'est que tout ce qui est vécu par un humain est mémorisé à l'échelle de ce monde de la mort, le ciel, donc le plan astro, et le contact avec un humain peut maintenant être au service des forces sataniques, et on va te faire croire que tu as aussi le contact. Alors tu penses avoir le contact, et au bout de 6 mois, tu tues ta femme, tes enfants ou ton mari, au nom de Dieu, et puis tu règles le problème. T'as été manipulé par quoi? Par peut-être une forme de divinité, mais qui peut porter un nom plus générique, Satan. Alors, le phénomène satanique, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Premièrement, ce qu'il faut bien savoir, et c'est une chose qu'on ne veut plus parler et qu'on oublie royalement, c'est qu'on parle de l'évolution, on parle de la paix, on parle de s'améliorer. Mais il y a une chose qui existe et qui est là, c'est ce que moi j'appelle des forces d'involution. Alors, l'humain a beau vouloir dire, moi, je suis pas catholique, tu sais, fait que Satan, je crois pas à ça. Ouais, ça empêchera pas ces phénomènes-là de bouger. Moi, je suis pas chauffeur d'auto. T'as pas de danger. Ça n'empêchera pas les chars de grimper sur le toit pour venir te frapper. Hein? Bon. Alors, c'est le même phénomène. Ça n'a rien à voir avec la religion. Que vous soyez quoi que ce soit, vous allez peut-être l'appeler d'un autre nom. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui manipule et qui oblige l'humain à ne pas fonctionner exclusivement dans un contexte d'évolution. Alors, qu'est-ce que c'est, cette chose? J'ai expliqué suffisamment de fois que tout ce qui était fait comme action, tout ce qui était exprimé en parole, en action, était mémorisé par la matière. Je fais un geste et la mémoire sera photonique, c'est-à-dire que les photons, la lumière va enregistrer mon geste, et à 300 000 km à la seconde, elle va le transporter à vos yeux, ce qui fait que vous allez voir le geste. Mais vous allez le voir avec un 300 millième de seconde en retard. Alors, plus vous êtes loin, plus vous voyez en retard, mais c'est une photographie lumineuse. On peut l'enregistrer définitivement sur une plaque de photo. Les sons, on peut les enregistrer avec des enregistrements magnétiques, etc., etc. Bon, la matière enregistre les choses. Il suffit simplement d'avoir une machine pour pouvoir décoder, c'est-à-dire lire ce qui est enregistré. Hein? On prend un révélateur pour révéler une photo, on prend un lecteur de cassette pour une cassette audio, mais si on a une guerre, que l'humain pète, puis que l'autre est insulté, puis etc., etc., etc., c'est tout enregistré quelque part. Ce quelque part, c'est le ciel, le monde de la mort. Maintenant, ce ciel est divisé en plusieurs paliers. On a l'enfer. Mais l'enfer fait partie du ciel qui part du centre de la Terre et qui monte à presque à la surface de notre planète, tandis que ce qu'on appelle le ciel, disons, spirituel, au-delà de l'enfer, c'est quelques pouces au-delà de la surface terrestre jusqu'à la fin de toute notre atmosphère terrestre. Alors, tout est enregistré dans ces phénomènes. Et évidemment, les forces sataniques sont d'une vibration tellement plus basse que comme par exemple, on va prendre du gaz carbonique, c'est plus pesant que l'hydrogène. Alors, ça descend sur le bord de notre planète, l'hydrogène monte en haut, l'hélium monte en haut. C'est question donc de de phénomène énergétique et donc de poids atomique qui va constituer le phénomène énergétique finit par constituer les noyaux des atomes et les électrons. Alors donc, le phénomène satanique ne peut pas se tenir dans le ciel, il ne peut que se tenir bas, et il se tient évidemment du centre de la Terre à monter jusqu'à aujourd'hui. On a déjà parlé un peu de cette Terre creuse, enfin pas moi, mais d'autres conférenciers en ont parlé, et on pourra y revenir. Alors ce qu'il faut donc comprendre, c'est une question, tu m'interromps, je répondrai pas pareil, mais on continue après, là, mais tu peux m'interrompre quand même, ça va donner un peu de pep, ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces sataniques sont une condition créée par tout ce que l'humanité a fait depuis que l'humanité a une conscience amique, donc une âme. Donc, depuis que l'humanité peut exprimer des émotions, ces émotions nourrissent les forces sataniques. Alors, évidemment, les forces sataniques, qu'est-ce que c'est? C'est une condition qui est inconsciente, l'humain vit, l'humain émet de l'émotion, c'est mémorisé, ça remplit lentement l'atmosphère terrestre, et on en émet, on prolifère au coton, tu sais, on croit et on se multiplie, et on finit par créer des humanités qui font la guerre l'un contre les autres, Alexandre le Grand se bat, Genghis Khan veut conquérir la planète, Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre, veut conquérir ailleurs, le grand Jules veut étendre, bon, en tout cas, on s'amuse comme des petits fous. Et puis, à un moment donné, ben ça finit par créer une densification atmosphérique qui porte un nom particulier de conscience collective, qui a différents niveaux de conscience collective et qui peuvent être localisés dans certaines régions. La conscience collective canadienne n'est pas la même que la conscience collective américaine, qui n'est pas la même que celle de Chine ou de l'URSS. Alors, plus cela allait, plus l'humain faisant référence au feeling collectif, alors ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une mode. Tu peux pas t'habiller de telle façon parce que c'est pas la mode. Alors, qu'est-ce que c'est la mode? Tu sors dehors, puis il y a quelque chose qui te dit que tu n'es pas comme tout le monde. Les forces sataniques sont donc la concentration de tout ce qui est rejeté par l'homme au niveau émotif, surtout, et au niveau gestuel, évidemment, entre autres, mais surtout émotif. Et cette concentration, à la longue, finit par prendre une forme de conscience d'existence parce qu'elle est suffisamment auto-répétée. Un peu comme la mémoire, l'enfant, c'est pas qu'il existe. Mais quand on finit par, l'enfant vit, après 6, 7, 8 mois, 1 an, 2 ans, il finit par prendre conscience qu'il existe parce qu'il a accumulé suffisamment de mémoires qui vont constituer l'ego et qui, à un moment donné, l'ego lui-même va, lorsqu'une nouvelle expérience pénètre, va la comparer à lui et c'est de là que va naître l'identification. Dans les forces sataniques, c'est le même phénomène. Alors, si on a toujours des guerres et que l'énergie émotive est une énergie de guerre, les énergies de guerre vont toujours manipuler les personnes qui ont nourri ces énergies de façon à ce que ces personnes continuent la guerre, parce que continuant la guerre, ils continuent à recréer les énergies qui sont justement ceux qui sont en affinité vibratoire, donc qui vont s'agglomérer aux forces sataniques. Ce ne serait pas un phénomène de reflet, finalement, de ce que l'homme crée lui-même, parce que Satan, si c'est les pensées de l'homme, Ce ne sont pas les pensées, ce sont les expressions. L'émotion de l'homme s'exprime toujours par le biais du système endocrinien et exocrinien. Et l'émotion de l'homme s'exprime par le biais du corps physique au complet. Donc la colère, elle se voit. La pensée ne se voit pas. La pensée, ça n'a pas, presque pas de puissance, la pensée. C'est interne à l'homme, mais c'est pas dangereux de penser. Finalement, si l'homme était moins collectif, devenait individuel, devenait homme nouveau, le phénomène du satanisme, ça n'existerait plus. Si chaque individu devient individuel, en dedans de 200 ans, Satan est mort. Pour la simple raison que vu qu'il ne peut plus être nourri, ses vibrations vont descendre tout en vers le repos sur notre planète Terre et lentement, il va devenir de l'énergie vitale belzébuthienne, ce qui va servir évidemment à la restauration de notre Terre, c'est-à-dire que si on a besoin d'un Éden dans le Sahara, ben ça va pousser. Sauf que présentement, l'humain est massacrant tout. Les énergies vitales sont tout à fait concentrées vers les régions polluées, acidifiées et massacrées. Alors l'humain est de plus en plus fatigué parce que l'humain manque d'énergie vitale. C'est normal, l'énergie vitale s'en va ailleurs. Les plantes ont de plus en plus de problèmes, on en manque. Mais comment qu'est-ce qu'on fait avec l'idée que l'homme se fait de Satan? Ah oui, mais moi je suis toujours manipulé, il m'est arrivé telle affaire, c'est pas de ma faute, mais c'est de ma faute. C'est-à-dire que l'être humain n'est jamais coupable, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il est responsable, il doit répondre de ses actes. Toi, tu as un corps physique, tu as une infime partie d'esprit chez toi qui de temps en temps fait teinter des petites cloches, et tu as ton âme qui te permet de faire référence au ciel de notre planète et qui te permet en même temps de pouvoir être assujetti au plan de la mort. Donc tu dois mourir, t'en aller là-dedans, tu dois revenir, mourir, partir, t'amuser. Bon, maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que la force satanique, c'est une condition du ciel qui oblige l'humain à ne pas pouvoir être assujetti aux forces luciférienne qui veulent tenter de pousser l'humain à s'en sortir. Parce qu'il faut comprendre ce qui est important. Pourquoi est-ce intelligent que l'être humain soit manipulé par une force satanique qui l'oblige à rester écrasé sur la planète plutôt que de suivre les forces luciférienne qui l'aideraient à s'en retourner? Pourquoi est-ce intelligent? Pour la simple raison que l'être humain, lorsqu'il est venu sur le plan de notre planète, ça n'a pas été un accident. Il y avait une raison. L'être humain n'est pas tombé du ciel de même, puis il n'y a pas un dieu qui a dit « Tiens, moi, créer des bébites, moi, les regarder faire, moi, les regarder souffrir, mourir comme un bon. » C'est pas ça qui est arrivé. Donc, il y avait une raison intelligente. Les humains qui, à un moment donné, ont perdu la conscience, disons, instantanée de ce qu'ils étaient, pour devenir des humains à conscience mémorielle de ce qu'ils ont été, ces humains-là avaient une fonction. Donc, ces humains ne devaient pas s'en retourner, mais Lucifer devait engendrer chez l'homme la petite étincelle qui fait dire à l'humain qu'il n'est pas de la merde. Tu sais, je dois évoluer, je dois m'en sortir, je dois être sauvé, je dois m'en aller, je dois... Ça, c'est la parcelle luciférienne qui habite chacun des êtres humains qui ont une âme. Alors, c'est donc le rôle de Lucifer à faire en sorte que, sur le contexte de la Terre, t'oublies pas carrément ce que t'es, puis tu ne deviennes pas carrément un crapaud au bout de 3-4 millions d'années. Or, Lucifer oblige l'humain à la religion, à la théologie, à créer des contextes d'évolution. C'est les phénomènes lucifériens. Sauf que l'homme doit rester sur Terre, il ne doit pas comprendre tous les mécanismes à créer son camp de suite. Parce qu'il y a un rôle, celui de devenir un réceptacle matériel. N'est-ce pas? Suffisamment solide pour recevoir de l'esprit qui n'est pas matériel pour que l'esprit reste esprit sur de la matière. Donc, la matière va donc être divinisée et l'énergie divine matérialisée et par le biais de l'homme, qui est une expérience fondamentale. Quand je dis expérience, c'est-à-dire que c'est une tentative de restauration des contextes de création. Enfin, c'est un phénomène assez intéressant sur lequel on va revenir aussi au courant de l'année. Alors donc, Lucifer est là parce que c'est lui qui va engendrer l'idée, l'opinion d'évolution chez l'homme. Mais Satan est un contexte du ciel qui va maintenant obliger l'humain à rester sur le plan de la Terre par la manipulation que Satan va amener chez l'homme. Alors, à un moment donné, la conscience collective, ben, pourquoi t'as commencé à fumer? Bon, pour faire comme tout le monde, c'est ça. Okay? Pourquoi tu te drogues? Ben, mes chums se droguaient, tu sais, je voulais essayer, c'est ça. C'est que Satan est une phénoménologie énergétique qui a besoin d'être nourrie. Alors, on va manipuler les collectivités humaines et on va les faire faire des choses qui nourrissent en échange les forces sataniques. Alors, l'humain évidemment finit parce qu'on éduque l'humain. Tu es coupable de tes actes. C'est faux, tu es responsable, tu n'es pas coupable parce que l'humain ne sait pas ce qu'il fait. S'il l'aurait su, il ne l'aurait pas fait. Puis quand je parle de l'avoir su, je ne veux pas dire s'il l'aurait appris. Tu sais, oh, c'est facile, j'ai appris que fumer, ce n'était pas bon. Mais entre le savoir énergétiquement, là, puis l'avoir rien qu'appris, c'est autre chose. Je te l'ai dit hier, qu'il ne fallait pas que tu fasses ça. Ben oui, mais ça n'a aucune consonance vibratoire pour moi. Je l'ai appris, mais qu'est-ce que tu veux foutre avec ce que tu me montres? Puis quand tu l'expérimentes énergétiquement, quand tu le cellularises, quand tu le conscientises, quand tu le comprends, ben là, évidemment, les choses deviennent faciles. Alors, Satan est donc un phénomène qui manipule l'humain et qui oblige continuellement l'humain à vivre des phénomènes émotifs, donc à souffrir ou à être heureux, pour pouvoir nourrir le contexte satanique qui empêche toujours l'homme de pouvoir faire référence à son intelligence parce qu'il fait toujours référence à ce ciel, à sa mémoire ou à la mémoire planétaire, au collectivisme. L'être humain a un besoin fondamental d'être collectif. On va juste regarder, par exemple, à un moment donné, il y a un phénomène luciférien qui vient sur le plan terrestre et qui, de temps en temps, c'est cyclique. On va en reparler au niveau de l'Antichrist. C'est cyclique. Et il vient réussir à posséder un corps physique qui, génétiquement, a la consistance neuronique, donc un cerveau et un système endocrinien lui permettant de recevoir ce phénomène. Alors, on a un bonhomme qui finit par être possédé par les forces luciférienne. Alors, qu'est-ce qui germe dans la tête du bonhomme? Ben, l'évolution de l'humanité. Sauver l'humanité. De quelle façon sauver l'humanité? Et ramasser les codes génétiques les plus brillants sur la planète, tuer toutes les autres parce qu'une fois morts, ils vont se réincarner des enfants que les autres vont faire, donc ils n'auront pas le choix d'être dans la même race, d'avoir des corps physiques brillants. Alors t'extermines des peuples, parce que tu sais, si tu les laisses vivants, ils vont continuer à proliférer. Alors t'extermines des peuples. Maintenant, ça c'est le phénomène luciférien, puis Lucifer fonctionne toujours avec les forces sataniques, pour la simple raison que, même si ça a l'air très contradictoire, Lucifer veut s'en aller, Satan les conserve ici, c'est qu'on ne peut pas manipuler des masses sans l'intermédiaire de Satan. Bon, c'est le collectivisme. Alors, ce bonhomme-là grimpe à un moment donné sur une arène, puis fait juste des 3-4 conneries, puis tout le monde se met à crier, ça jubile, ça veut. Assez qu'à un moment donné, tu promènes sa rue, tu fais juste faire ça, le gars fait ça tout de suite, il n'y a rien à faire. Partout dans ce pays, chaque individu... t'aurais un bonhomme qui vient à un moment donné pour pisser, tu fais « machin chouette », bonhomme pisse plus, il fait « machin chouette ». Tu voyais une photo, c'était « machin chouette ». Bon, c'était pas compliqué. Comment on peut arriver à prendre une copie... Les Allemands, c'est pas des fous! Comment on peut arriver à manipuler les Allemands, les Italiens, une partie d'Italie, un paquet d'autres peuples? Je à une idée! C'est même plus à un dieu, c'est à un homme! Que tu vois à peu près pas. Mais t'as différentes sociétés secrètes. T'as la Wehrwacht, t'as la Gestapo qui est similaire, mais qui est un peu différente. T'as différentes panoplies. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Prendre la race aryenne, qu'il considère comme la race allemande. Forte manipulation, la race aryenne, c'est la race hindoue. Bon. Okay? Lui, c'était la race qui était différente. La race Tosa, c'était leur conducteur à l'époque. Alors, c'était Rama pour la race hindoue. Prendre la race aryenne, amener... disons, faire en sorte qu'elle couvre la planète, avoir le foyer central en hyperborée. Pôle Nord. Non, l'hyperborée, c'est le Groenland. La Terre blanche, c'est le pôle Nord. Alors, encore une manipulation. Et, évidemment, ben là, faire en sorte que l'humanité ait, qu'on ait de la classe, de l'évolution. Parce qu'Adolf Hitler, puis tout ce qu'il a voulu faire, c'était absolument génial, dans le contexte, disons, d'évolution. Mais c'était tout à fait idiot dans le contexte cosmique de l'évolution de l'homme. Alors, lui, manipulé par les forces luciferiennes, n'était pas un fou. Alors, il a parlé à la masse. La masse, ben Adolf Hitler, il n'y a pas grand choix. Toute la masse m'écoute, puis moi, je massacre des gens, mais je les fais souffrir. Je les fais souffrir, donc je crée de l'émotion qui nourrit Satan. En échange, Satan me donne les masses à contrôler. Alors, Adolf Hitler sortait, disait des cossins, tout le monde obéissait. Mais en échange, il fallait évidemment qu'il y ait des... qu'on torture. Ailleurs. Quelle relation qu'il pourrait y avoir entre Belzébuth et Satan? Belzébuth est une force qui est exclusivement, disons, exécutive. N'importe qui est capable d'avoir une énergie suffisamment avancée pour pouvoir donner un ordre aux forces belzébuthiennes, automatiquement, Belzébuth écoute. Alors, s'il n'y a pas de contexte intelligent parce qu'il n'y a pas d'homme encore suffisamment énergie, le Nazaréen, il n'y a aucun problème. Hein, il te regardait à la face, tu guérissais. Ça va compliquer bien, bien. L'énergie vitale, tant pis frais, puis c'était correct. Pourquoi? Parce qu'il avait une dose suffisamment d'énergie de contrôle mental. D'ailleurs, le Nazaréen, avant de contrôler Belzébuth, avait dû rencontrer Satan. Pourquoi dans le désert? Ben, rencontre-le en plein milieu de Jérusalem, puis Jérusalem, il se suicide au complet. Alors, tu t'en vas en plein désert, les forces sataniques vont se densifier. Le Nazaréen doit donc maintenant faire sa trace dans le monde de la mort, dans le monde de l'astral et dans le monde satanique. C'est-à-dire que Satan doit savoir que cette chose, que le Nazaréen existe. Et Satan vient pour essayer de le récupérer et en même temps, on donne un poste. Alors, je te fais roi. Tu vas te faire foutre. Je te donne ceci, cela et cela et cela. Fous-toi là où je pense, dans l'œil. Le Nazaréen était poli. Bon. Alors, Satan, maintenant, savait. Alors, Satan a tout fait pour le récupérer, pour le ramasser. Maintenant, l'autre, n'ayant pas peur, ça ne sert à rien. Parce que si tu n'as pas peur, tu n'aimais pas d'émotion. Si tu n'aimais rien, tu n'es pas une nourriture, il ne peut pas rien faire. Sauf que le moindrement, tu te fais ramasser par un petit peu d'émotion qui pénètre, automatiquement, il te manipule au complet, t'es fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Lucifer possède un être humain, il en fait un génie. Lorsque Satan possède un être humain, il en fait un animal. Les animaux qui bavent, là, puis qui tournent la tête, tu sais, là, puis qui font une boule de tiroir, puis qui font son univers, là, tu sais, là. Ça, c'est des forces sataniques, diaboliques. Mais Lucifer ne possède jamais. Comme ça, Lucifer, c'est un être de lumière. Sauf que Lucifer veut donc ramasser pour évoluer, et Satan, lui, en échange, peut collaborer parce qu'il permet la manipulation des masses, mais en échange, d'en massacrer d'autres un peu pour permettre de nourrir Satan. Alors, évidemment, ça ne se répétera pas dans l'avenir, ce genre de phénomène, parce que l'humanité évolue, les forces sataniques évoluent aussi, n'ont pas le choix. Tout à l'heure, tu parlais de d'antéchrisme en rapport avec le satanisme. Bon, il y aura trois formes d'antéchrisme. Premièrement, il y aura la mécanicité antichrist qui n'est pas un phénomène satanique ni luciférien. Bon, ça va, ça va faire chialer le monde pendant l'entraque un peu, mais c'est intéressant, ça les réveille, c'est bien. Vous poserez des questions par la suite à la deuxième partie, puis on pourra ajuster, mais je pense que vous êtes venu quand même pour entendre des choses nouvelles. Vous n'êtes pas venu pour que je vous répète ce que vous aviez déjà lu. Hein? Je ne pense pas que c'était l'option. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'antéchrist est sans doute ce qui va permettre à l'humanité de faire le plus grand bond dans l'évolution. Dans les antéchrists, on en a trois. Celui qui est antichrist va être celui qui va permettre à l'humanité d'avancer le plus vers l'état christique. Et les deux autres antéchrists qui vont être pro-christ vont être ceux qui vont justement récupérer tous ceux qui n'auront rien, qui n'auront pas compris. Parce que vous savez qu'est-ce que c'est que l'antéchrist? Parlons de l'antichrist. Les deux antéchrists vont être des phénomènes, l'un luciférien, l'un satanique, et Belzébuth, terminologie apocalyptique, la bête, va à un moment donné vouloir lui aussi ressurgir pour faire des choses. Bon, il va manipuler des êtres humains, il va pouvoir permettre de la création d'un corps d'un homme. Belzébuth, c'est les forces vitales, donc c'est les forces qui gèrent en même temps la génétique. Alors Belzébuth va donc pouvoir faire en sorte à un moment donné que naisse, dans un pays que l'on connaît bien, un être humain qui aura un corps physique mauditement bien orchestré, alors il pourra tout à fait, ce phénomène-là, pouvoir recevoir tout ce qui est satanique à l'échelle de notre planète. Donc, on aura ce qu'on appelle la bête, qui sera quand même pas un animal, mais qui va être un être humain, mais absolument génial, mais absolument tout croche. Il va être pro-Christ. Il va être pour le Christ. On a le phénomène luciférien qui va lui aussi être pour le Christ, et on a le phénomène christique qui lui va être contre le Christ. Intéressant. Si le Nazaréen revient sur la planète, il va être tout à fait contre le Christ. Pourquoi? Alors, je vous l'explique, c'est pas tellement compliqué. Certains ont sans doute déjà compris. Qu'est-ce que c'est que le Christ aujourd'hui? C'est un bout de bois comme ça avec un gars avec des épines à moitié nu qui souffle dessus. On adore un gars qui souffle. C'est ça le Christ. Qu'est-ce que c'est le Christ? Ben, c'est un gars bien au bout avec des cheveux longs qui fumait de la marijuana puis qui, bon, ça le Christ. Bon. Pour d'autres, le Christ est un homosexuel parce qu'il y avait juste des gars dans sa clique, il n'y avait pas de femmes. Il y en a beaucoup qui pensent ça. C'est quoi le Christ? C'est mon ami, c'est mon frère, c'est... C'est ça. Vu que chacun a son opinion d'une chose qui ne peut pas être opinionnisée, qui ne peut pas être personnifiée, vu que chacun a son opinion de ce que c'est, si un jour ça arrive, il ne verra pas. Alors, celui qui va venir contre cette phénoménologie de mémoire christique, et justement celui qui va permettre de purifier la conscience mémorielle du Christ pour que l'humain puisse un jour voir tel quel ce que c'est que le Christ. Et pas rester branché toujours sur la mémoire éducative, la mémoire théologique, la mémoire théocratique même, de ce que c'est que le Christ. On a le Christ, tu vas dans une pastorale, on te présente un Christ, tu vas dans un autre, on te présente un autre Christ, à un moment donné, tu en as par-dessus sa tête. Le phénomène du Christ, c'est que ce n'est pas personnifiable. L'intelligence christique qui, à un moment donné, a rempli Joshua ben Joseph, le Nazaréen, qui est devenu Jésus par la suite, est quelque chose qui n'est pas personnifiable. Chaque être humain, un jour, deviendra quelque chose comme ça. Mais pas en se disant, m'être comme lui. Lui, il n'a pas dit, m'être comme ma tête, mais m'être moi. Et l'humain doit devenir lui. Mais pas lui. Lui. Pas toi. Bon. Alors donc, le phénomène anti-Christ est quelque chose qui va être anti-concept du Christ. Pour que l'humain, parce que regarde bien, dans l'Antiquité, là, 1980, disons 10 années, lorsque le Nazaréen est apparu, il n'y avait pas de Christ. Alors, personne ne connaissait ce qu'était le Christ, personne ne savait ce qu'était le Christ, ce qui fait qu'à un moment donné, si quelqu'un devient Christ, alors les humains peuvent accepter. Mais aujourd'hui, vu que maintenant, ça fait un peu moins de 2000 ans qu'on en parle, si le Christ revient ici, je l'ai déjà dit, il va se faire arrêter pour pratique illégale de la médecine, il va se faire arrêter pour je ne sais quoi, parce qu'on fait des guérisons comme ça aujourd'hui. Bon, ça l'a changé. Alors, l'humanité ne peut plus continuer à vivre en fonction d'une mémoire, disons, néotypale de l'époque du Christ, mais qui est maintenant archétypale par rapport à notre époque, une vieille mémoire de ce Christ. Par contre, tous ceux qui vont vouloir récupérer les individus, faites attention à ce que je dis, il ne faut pas interpréter tout croche au travers. Je ne veux pas dire que quelqu'un qui va prendre un drogué et qui va vouloir l'amener, disons, vers cette image du Christ, travaille pour le Satan ou pour Lucifer. Non. Celui qui prend un individu qui l'amène vers une image plus haute en vibration, elle est mémorielle. Elle n'est pas purement christique, elle est mémorielle. Mais elle est mauditement plus haute que l'image même réelle de la drogue ou de la prostitution. Alors, il le montre jusque-là. Mais si cet individu-là, à un moment donné, veut vivre individuellement, veut avoir sa conscience propre de son cheminement d'évolution, et que la personne qui l'a monté, il veut l'empêcher, là, elle devient satanique. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène de l'évolution satanique? C'est que si quelque chose est chaud et que tu mets du froid, le froid est automatiquement satanique par rapport au chaud parce qu'il devra baisser. Sauf que le chaud est automatiquement yavique par rapport au froid parce qu'il va l'augmenter en vibration. Alors, c'est parfait que tu prennes un individu et que tu l'amènes à l'idée du Christ. Qu'est-ce que c'est que le Christ? Si le Christ, c'est simplement l'idée qu'un jour, l'être humain sera son seul maître et maître des forces sataniques, maître du plan de la mort, le Nazaréen transcendait le plan de la mort, c'est génial. Mais si le Christ, c'est quelqu'un que tu dois adorer, que tu dois... En tout cas, il y a plusieurs choses, à un moment donné, qui sont dangereuses et qui servent typiquement les forces d'involution de l'homme, c'est-à-dire, ne soyez jamais vous autres, pensez toujours qu'un jour, vous allez être comme quelqu'un d'autre. Autrement dit, vis pas ta vie, prends une vie d'emprunt, puis plug-toi là sur le corps, puis essaye d'être ça. Mais c'est un transit. Il faut comprendre ça comme un transit. C'est une transition. Plus cela va aller, plus à un moment donné, on aura deux de ces antéchrists qui vont être... Présentement, on n'a pas d'antéchrist. On a des petits phénomènes intéressants. Bon, on n'a pas d'antéchrist encore, c'est pas le temps. Encore quelques années, puis il y a des choses qui vont commencer à apparaître. C'est pas aussi dangereux qu'on le pense. Il suffit simplement d'avoir une conscience individuelle, puis il n'y a aucun problème. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que les forces sataniques se nourrissent de l'émotion de l'homme, qu'elle soit positive ou négative. Cela ne veut pas dire ne plus avoir d'émotions. Lorsqu'on a des émotions positives, elles rentrent en résonance avec un plan drôlement intéressant qui permet à Satan de manipuler l'humain pour que l'humain ait du plaisir. Si on a des émotions négatives qui nourrissent encore une phénoménologie satanique, alors ça permet à Satan de manipuler l'humain pour que l'humain ait des émotions négatives. La peur, la souffrance, l'ennui, la colère, la jalousie. J'appelle les émotions négatives. Négatives par rapport, disons, à involuer, plus basse en vibration. Alors, qu'est-ce que l'homme nouveau fait par rapport au phénomène satanique? Alors, à l'époque, on avait, il y a 2000 ans, parce qu'on va parler un peu du Nazaréen, étant donné que c'est le seul qui a rencontré les forces sataniques de plein pied et qui leur a carrément dit « Je suis le maître ». Après avoir été le maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas contrôlé Satan. Mais non, Satan a été un phénomène intelligent qui est essentiel pour le reste de l'humanité. Mais Nazaréen a dit « Moi, je sais pas. C'est où je vais, va. Hein? » C'est balaye. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme nouveau devra, comme le Nazaréen, rencontrer lui aussi, on appelle ça un peu l'initiation par le feu, c'est-à-dire rencontrer les phénomènes sataniques. Et ça demande certaines choses. Si on fait référence au Nazaréen, hélas, à l'époque, disons qu'on ne filmait pas. Hein? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Nazaréen s'en va seul dans le désert, ce qui est tout à fait faux. Il n'a pas été seul dans le désert parce que tu as toujours besoin d'un ou de deux témoins quand tu fais une initiation de ce genre. Alors, tu t'en vas quelque part. Et pour être, quand tu as fini, tu vas voir, puis tu dis aux personnes, qu'est-ce que tu as vu? Ben, rien. Tu peux peut-être douter de ce qui s'est passé. Ben, il y avait ça. Dis pas ce que tu as vu, demandez si c'est ça. Demandez qu'est-ce qu'il y a vu. Puis demande à l'autre. Comment pensez-vous qu'on a compté ce qui s'est passé dans le désert si tu étais tout seul? N'est-ce pas? Bon, si on réfléchit un peu. Il aurait pu les raconter. Il y a des apôtres. Non. Pourquoi? Parce que tous les apôtres n'en parlent pas comme ça. Il y a des apôtres qui étaient là comme témoins. Il était seul dans le désert face à Satan, mais il n'était pas seul dans le désert, veux dire, avec 50 km à rond. Bon. Alors, tu vas donc rencontrer ceci. Tu dois crier, tu dois t'arranger pour pouvoir faire un peu de stimulation d'une force satanique. Je ne compterai pas tout, parce que Satan peut facilement manipuler des humains et aller s'essayer. Et on a de graves problèmes quand on essaye des choses, quand on n'est pas prêt. Et une fois que cela est fait, tu, l'homme nouveau, donc même phénomène que le Nazaréen, tu dois expulser de chez toi tout ce qui est d'ordre satanique ou luciférien. Cela veut dire que tu dois devenir d'une humilité absolument fantastique, c'est-à-dire simplement pure. Cela veut dire que tu dois être capable d'expulser, et ça, évidemment, il y a des moyens, mais la personne, elle le sait quand c'est prêt. Tu sais, tu ne suis pas un cours pour apprendre à expulser pour rencontrer Satan. Quand tu es prêt, tu sais. C'est pas compliqué tellement. C'est pas bien compliqué. Tu peux suivre des cours pour t'amener des phénomènes vibratoires, des choses comme ça. Mais le reste, tu le fais tout seul, avec un ou deux témoins, pour te ramasser ou pour t'expliquer qu'effectivement, ça s'est passé. Parce que tu peux perdre. Une chose intéressante, c'est que lorsqu'un être humain s'en va faire a la connaissance pour faire cette initiation par le feu, il est toujours vainqueur. Ça, c'est intéressant. Parce que tu ne vas pas passer cet examen si tu vas perdre. C'est-à-dire, l'intelligence est conséquentielle, ce qui fait que si on te donne les clés pour y aller, c'est que c'est réglé. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que l'homme nouveau, évidemment, devra rencontrer Satan. Donc, la conscience collective planétaire de plein fouet devra laisser sa trace dans le monde de l'astral, donc dans le monde satanique, c'est-à-dire que Satan devra le connaître. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui vont jouer avec certains jeux ou qui vont essayer de faire des phénomènes, disons, de médiumnité et vont rencontrer une personne dans le monde de la mort qui vient les aider. C'est automatiquement satanique. C'est-à-dire que tout ce qui est tributaire de la mémoire collective des annales akashiques hindous, du ciel catholique, du ciel et l'enfer, disons que je mets les deux ensemble parce que c'est un peu le même phénomène. Tu peux passer de l'un à l'autre sans problème, alors c'est vraiment pas compliqué. Tout ce qui est tributaire de ce monde de la mort est automatiquement tributaire des forces sataniques. Pourquoi pensons-nous que l'Église, qui à l'époque luttait tant contre Satan, a lutté contre tous les voyants, contre tous les médiums, contre tous les ceci ou tous les cela? Seul le prêtre pouvait se permettre d'être médium, parce que disons qu'on s'attendait à ce que la vibration des prêtres de l'époque puisse permettre justement un contact intuitif avec l'archétype pur ou avec l'esprit, plutôt qu'avec les forces sataniques, donc le monde de la mort, créé par l'homme au cours de l'évolution de l'homme. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que justement, tout ce qui est tributaire, disons, est-ce que c'est nécessairement négatif? Non, c'est satanique. Toi, tu peux faire une référence au monde de la mort, parler à quelqu'un qui est mort, ça peut être ton père, peut être ta mère, peut être un vichou que tu connais pas, puis un grand maître de l'Agartha que tu ignores, que tu connais pas non plus. Et on va te dire des choses. Mais ça, c'est pas grave. Ce qu'on va te dire peut être correct, peut être faux. C'est satanique. Et c'est pas un péché de contacter Satan. C'est un péché que d'être manipulé. Mais un péché, il faut s'entendre, c'est un péché pour la théologie. Là. En réalité, c'est une chose qui n'est pas, disons, décidable par l'humain. Alors, on te donne de l'information. Pardon. Et c'est à toi de savoir si l'information qu'on te donne, ben, ça a-tu de l'allure ou non. C'est pas parce qu'à un moment donné, ça te vibre dans l'oreille en même temps, puis que le nez commence à se promener, qu'automatiquement, ça veut dire que c'est ça. Il y a beaucoup d'humains qui fonctionnent de cette façon-là. J'ai fait un rêve, mais absolument génial, c'était beau, c'était, oui. Parce que le ciel, le monde de la mort, Satan se promène d'un bord à l'autre. Alors j'ai rencontré un maître, c'était, 2 ans après, tu tues du monde. Toujours avec le même bonhomme. On a déjà parlé de Jim Jones. C'était génial, génial, moins génial, moins génial, commençait à être diabolique à un moment donné, en fin de compte, ça a fini avec 999 morts. À Johnstown. Alors, c'est le même phénomène. Ah, l'humain ne veut pas. Vous posez vos questions tout à l'heure, mettez vos commentaires, mais l'humain ne veut pas. T'es toujours connecté à ce qu'il y a de mieux. Tu sais, ça va de soi. C'est l'ego de l'homme qui fait que moi, je suis correct. Ça, continue à te flatter, puis reste plugué à ce que tu connais pas, puis à ce que tu penses comme étant mieux. C'est ce que j'appelle de l'orgueil. C'est ce qui fait que l'humain est manipulé de façon exemplaire sans que jamais il le sache. L'humain va dire, non, lui est manipulé, elle est manipulée, pas moi. C'est ceux-là qui sont les plus manipulés, normalement. L'orgueil serait ni plus ni moins ce qu'il y aurait de plus condensé au niveau de la manipulation. Je parle de l'homme. Un autre phénomène intéressant, c'est que l'enveloppe de la Terre porte un nom particulier, périsprit. Bon. Tout l'intérieur de ce périsprit, c'est le ciel, le monde de la mort. Au centre, il y a la planète Terre qui est la densification parfaite de ce phénomène évolutif. On pourrait même dire que la Terre, c'est un peu l'ego de tout ça. C'est le noyau de l'âme de la Terre. C'est un peu comme une cellule, le noyau, le liquide cytoplasmique, la membrane. L'être humain, lui, a une âme qui est paramétrée par le séraphin, le périsprit. Il y a les mémoires volatiles, l'âme. Et il y a le noyau qui va être l'ego. C'est la correspondance parfaite de ce qui existe au niveau de notre planète. Continuellement, on enseigne à sauver l'âme. Mais sauver l'âme veut simplement dire que lorsque tu meurs, tu dois restaurer ton âme au ciel. Et là, tu nourris encore le monde de la mort. Mais l'homme vit avec une âme, et l'homme, à un moment donné, doit être capable de diviniser son âme, c'est-à-dire que l'âme doit disparaître au profit de l'esprit. Et tout ce qui présentement fonctionne à l'échelle de l'évolution de notre planète fait en sorte que l'humain, non, sauve ton âme, c'est ta personnalité, c'est ton identité, c'est ta mémoire, c'est ton expérience, c'est toi. C'est pas toi, c'est ce que tu penses que t'es. À un moment donné, l'humain devra transcender l'âme et passer au plan de l'esprit. Parce que Satan manipule l'âme. Tu élimines l'âme, tu n'es plus manipulable. L'âme est essentielle, de toute façon, s'il y a des questions, on va en parler par la suite. Alors, un petit résumé très très rapide. Les forces luciférienne induisent, par la création de l'homme, induisent chez l'homme la soif de l'évolution. Mais l'homme doit conserver cette soif pour pouvoir toujours conserver un œil vers le haut en termes de vibration, mais il doit rester sur le plan terrestre et ce sont les forces sataniques qui vont obliger l'homme à rester là. Sauf que dans un contexte actuel, 1969 en montant, 87 c'est encore plus dense, l'humanité subit une mutation neurologique. Donc neuronique, donc à un moment donné psychologique, l'humain doit commencer à évoluer. Cela veut dire que l'humain doit prendre conscience des forces sataniques parce que l'humain maintenant peut commencer à regarder vers le haut plus profondément parce qu'il va comprendre ce qu'il a à faire sur le plan terrestre. Donc l'humain, de plus en plus, s'il entre en contact avec un savoir instantané, donc une conscience esprétique divine, n'aura pas l'idée « Bon, crime, j'étais ça, sac! » Non, tu vas aussi comprendre ce que tu fais ici puis tu vas l'accepter, ce que le Nazaréen a fait. Alors plus ça va, plus il faut s'ouvrir. Mais les forces sataniques, eux autres, ne sont pas intelligentes. Eux autres, ils ferment. C'est une mécanicité. C'est simplement mécanique. Ils disent pas, bon, lui, il est prêt, on ouvre. Satan, t'as rien à foutre avec ça. T'es prêt quand tu ouvres? Ce que le Nazaréen fait. Alors donc, c'est tout le phénomène est extrêmement intelligent. Lorsque le Nazaréen expulsait les forces du mal, lorsque, par exemple, qu'il exorcisait, j'ai déjà expliqué un peu, je crois, mais disons assez brièvement, on va revenir en février sur une conférence, pourquoi avoir un nom où on va en parler un peu plus. Lorsque l'intuition de l'homme nouveau, disons, l'instruit de l'onde de forme émise par un phénomène satanique ou diabolique qui possède un individu, l'individu ne peut être possédé que par sa qualité vitale, c'est-à-dire qu'on ne peut posséder qu'un être qui vit. Il y a juste des vues qu'on possède des morts. Bon, le vaudou, c'est un mort vivant, c'est-à-dire que le corps vital est intact, le corps physique est intact, c'est l'âme qui est expulsée, donc ça reste vivant. Ce n'est plus nécessairement humain évolutif dans le sens du terme, mais ça reste vivant. Le Nazaréen lui percevait l'onde de forme, c'est-à-dire l'énergie dégagée par l'énergie vitale de ce qui possédait l'individu, et son intuition lui permettait, à un moment donné, par l'intermédiaire de sa conscience, de pouvoir transformer la perception vibratoire de cette chose dans une expression vibratoire orale. Donc, il trouvait le nom, le mot. Et là, il avait donc maintenant qu'il avait trouvé la clé, ce qu'on appelle le verbe, le mot juste, la parole juste. Alors, il n'avait qu'à donner un ordre avec une énergie mentale dans sa voix et, évidemment, il expulsait les forces du mal. On dit que le royaume est déjà commencé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le Nazaréen a amené à l'échelle de l'humanité, donc de la planète, un phénomène relativement intéressant, ça va de soi, c'est d'ailleurs ce qui permet maintenant à l'humain d'avoir accès aujourd'hui et dans l'avenir à cette conscience christique, le terme de l'époque, conscience supramentale, le terme, disons, du Québec d'aujourd'hui. Le Nazaréen, lui, a amené une expérience nouvelle, c'est-à-dire que c'est une intelligence, un esprit, au même titre que vous, malgré que peut-être certains se croient suffisamment médiocres, préféreraient ramper au pied du Nazaréen. Donc, une intelligence espritique au même titre que vous, qui est arrivée sur le plan terrestre quelques milliers d'années, quelques millions d'années après vous. Cela veut simplement dire qu'il y avait des corps physiques suffisamment solides pour pouvoir recevoir de l'énergie, de l'intelligence, sans la déformer. Donc, dans la secte nazaréenne, la seule qui, à l'époque, acceptait les femmes dans le but d'avoir des enfants, à un moment donné, est né un corps physique qui avait le privilège de pouvoir supporter le contact avec l'intelligence supramentale d'une façon pure, et ça l'a été le Nazaréen. Lorsque le Nazaréen est arrivé à l'échelle de la planète, il a laissé dans le ciel une nouvelle information, donc dans la mémoire de ce monde de la mort, une nouvelle information, celle que maintenant l'esprit peut traverser sans être archétypé, donc sans perdre de sa lumière, donc de son savoir instantané, donc de sa vie, donc de son instantanéité. Et ce phénomène mémoriel mémorisé est une trace qui peut maintenant partir du contact entre l'esprit christique et le corps de Jésus, donc la naissance, disons, de Jésus. Il faut comprendre que le corps est né en l'an 3 avant Jésus-Christ, que vers l'an 8-9 après Jésus-Christ, vers l'âge de 12 ans, le Nazaréen commençait à avoir une vibration suffisamment mentale, et que vers l'âge de 30 quelques années, le Nazaréen avait fini sa fusion avec son esprit, c'est-à-dire que c'était maintenant l'esprit pur qui s'exprimait par l'intermédiaire du Nazaréen. Donc, il a finalisé sa fusion après la crucifixion, si on veut être précis. Bon. En ce qu'il faut donc, quand on parle de ce monde, la trace laissée était un néotype, c'est-à-dire une nouvelle information laissée dans le monde de la mort, ce qui permet maintenant à la conscience de l'homme qui veut évoluer, lorsqu'il fait référence intuitivement mais inconsciemment à cet archétype, lorsqu'il recherche une trace d'où il vient, il trouve subitement le passage d'une intelligence nouvelle, celle du Christ, alors il a maintenant une nouvelle information, c'est qu'il y a effectivement un monde au-delà du monde de la mort, un monde au-delà du ciel, et ceux qui avaient des oreilles ont su que le Nazaréen, lorsqu'il parlait des cieux, ne parlait pas du ciel. Lorsqu'il parlait du phénomène du ciel, lorsqu'il parlait de mettre un trésor dans le ciel, c'était un phénomène mémoriel énergétique et grégorien sur lequel on va revenir. Et lorsqu'il parlait des cieux, il parlait d'un savoir instantané non coloré par les forces mémorielles sataniques, luciférienne, humaine, amique, ou etc. Alors donc, maintenant que l'humain a la possibilité de faire référence à une trace d'un monde au-delà du monde de la mort, donc du ciel, les cieux, c'est un monde nouveau qui commence à l'échelle de l'évolution cosmique ou de l'évolution planétaire. Et évidemment, c'est ce que ça veut dire. Expliquez-moi la différence entre le précurseur et le curseur. Où est l'influence et de quelle énergie sont-ils? Bon. Un précurseur, c'est une constatation, c'est simplement une chose qui entraîne pour la première fois quelque chose. Le curseur, c'est une chose qui permet à l'humain, lorsqu'il le manipule, de pouvoir diriger son action sur d'autres choses. Alors, je crois que c'est suffisamment bien répondu. Les forces du mal se dissimuleraient derrière l'inconscience collective où les grands problèmes sociaux, pauvreté, exploitation, manipulation de l'homme, de Dieu. Quelle est votre opinion? Bon, je n'ai pas d'opinion. Les forces du mal se dissimuleraient derrière l'inconscience collective. Comprenons clairement que les forces du mal sont l'inconscience collective, et cette inconscience collective est ce que j'appelle moi la conscience collective, pour la simple raison que l'inconscience collective, c'est ce qui sert de conscience à vos masses. C'est donc une conscience collective. On me dit souvent, non, c'est de l'inconscience, les gens ne savent pas. Bien justement, la conscience de l'homme, c'est de l'inconscience. Alors c'est donc une conscience collective. C'est lui qui, à un moment donné, se drogue, ne sait pas ce qu'il fait. Mais il va dire, non, je te conscient de ce que je faisais. C'est ça, c'est de la conscience collective. On peut appeler ça de l'inconscient. Mais quand on appelle ça de l'inconscient collectif, cela est un terme relativement manipulé par la conscience collective, justement, qui fait dire à la psychologie que l'être humain a une conscience pure et individuelle et il y a de l'inconscience collective. Non, non, non. L'être humain qui a une conscience, dans la majorité des cas, c'est une conscience qui est typiquement collective. On me demande mon opinion. Ben, on n'a rien à faire avec mon opinion. D'ailleurs, je n'ai pas d'opinion non plus. Je parle de choses, je dis des choses, tout ça. Alors donc, les forces du mal se dissimuleraient derrière l'inconscience collective, c'est cette chose, ou les grands problèmes sociaux, pauvreté, exploitation, manipulation de l'homme, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les forces sataniques manipulent l'humain pour que l'humain ait autant de joie qu'il va manipuler l'humain d'un autre continent ou d'une autre région pour que l'humain ait de la souffrance. Alors, ça ne manipule pas exclusivement qu'au niveau pauvreté. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est pauvre? Ça peut être génétiquement, il n'a pas la faculté neuronique de s'adapter à un cadre capitaliste, par exemple. Bon, alors il est pauvre. Il ne comprend pas comment faire l'argent. En plus, les autres pauvres l'ont instruit que les riches étaient tous des cons, que l'argent ne faisait pas le bonheur. Ça l'aide à maudire, en tout cas, puis l'argent ne fait pas le malheur non plus. Hein? Bon, alors, on a instruit les choses, et puis à un moment donné, ça peut être parce que la personne n'a pas neurologiquement la possibilité de comprendre la mécanicité du jeu d'échecs de la finance. Ça peut être aussi simplement parce qu'au niveau manipulation, on manipule des personnes qui ont le hasard d'avoir de l'argent, qui ne comprennent pas plus que d'autres, et qui, eux, ont suffisamment d'orgueil pour conserver tout ce qu'ils ont, parce que ça leur donne du pouvoir, ils ont l'impression d'être quelqu'un par rapport à tous ceux qui, apparemment, pour lui, ne sont rien. Alors, la richesse, lui, il est riche, il est manipulé par les forces sataniques, autant peut-être que le pauvre qui peut l'être aussi. Alors, ce qui fait qu'il ne faut pas essayer de comprendre qu'est-ce qui, au niveau satanique, pas pour l'instant, chaque chose en son temps, peut-être certains peuvent le faire, mais disons que ce n'est pas suggéré pour l'instant, d'essayer de comprendre les manipulations sataniques planétaires. À quoi ça va servir, à quoi ça va vous servir de comprendre immédiatement toute la manipulation satanique planétaire? Ce sera drôlement plus intéressant de comprendre de quelle façon individuellement vous êtes assujettis à ces manipulations. Lorsque l'être humain, à un moment donné, entend parler, ne nous soumet pas à la tentation, il parle à son père. Lorsque le Nazaréen a induit une prière, parce qu'avant, l'être humain parlait, mais l'être humain ne savait pas comment concentrer de l'énergie orale vers un phénomène. Mais le Nazaréen a enseigné deux choses. J'ai déjà révélé une, on va en révéler une autre qui est relativement intéressante. Premièrement, notre Père, blablabla, blablabla, amen. Amen, ça veut dire, amène-moi ça. C'est ce que ça veut dire. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut donc dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que lorsque l'être humain prie, il doit finir avec un ordre. Qu'il en soit ainsi. C'est l'être humain qui doit diriger dans le monde de l'homme. Alors, « amen » est un point clé, mais qui n'est jamais employé, parce que c'est « amen », c'est on ne sait pas, tu sais, c'est « amen ». Ainsi soit-il. C'est ce que l'on, c'est ça, ça doit être comme ça. Mais il y a un autre phénomène intéressant. Notre Père qui est aux cieux. Alors, il passe au-delà du Père dans le ciel. Et à un moment donné, lorsqu'il définit sa prière le Nazaréen, il demande à ce Père de ne pas le soumettre à la tentation. Alors, il faut voir dans ce phénomène de prière, parce que le Nazaréen s'adressait à l'homme avec deux terminologies, disons, hébraïques différentes, et grecques aussi, parce qu'il parlait grec, le ciel et les cieux. On a toujours mélangé les deux. À l'époque, on ne connaissait que le ciel, on ne connaissait pas les cieux, lorsqu'il fait que c'était la même chose. Dans sa prière, il s'adresse aux cieux, et par la suite, il demande à l'humain de s'adresser au ciel. Il ne nous soumet pas à la tentation, il s'adresse au Père créateur de l'humanité, donc à Lucifer. Ne nous soumet pas à la tentation. Lucifer a le privilège de soumettre l'humain à Satan, comme on l'a vu dans le cas d'Adolf Hitler. Alors, ce qui fait que c'est un phénomène, disons, qui est particulier aux forces de l'inconscience, aux forces de l'évolution infernale, et lorsque l'être humain finit par devenir tout à fait individuel dans sa conscience, c'est-à-dire lorsque l'être humain arrive à se centrer dans son intelligence, lorsque l'être humain arrive à savoir de par lui-même si ce qu'il pense, ce qu'il vit, ce qu'il exprime, mais lorsqu'il arrive à savoir de par lui-même quelle nature ça a. L'homme nouveau est capable de savoir en s'observant lui par rapport à lui, c'est-à-dire en observant le résultat qu'il exprime, par rapport à l'intelligence qui le conditionne, de quel degré d'évolution il est. Tandis que l'homme ancien, lui, devra comparer ce qu'il est à d'autres personnes pour pouvoir se dire « je suis évolué ou je ne le suis pas ». Hein? On a un proverbe ancien qui dit que le borgne, il est roi parmi les aveugles. Alors, celui qui manque un œil, ben, il est handicapé. Non, il est génial à travers un paquet d'aveugles. Alors, l'homme nouveau et celui qui a une évolution de conscience individuelle doit finir par savoir de par lui-même ce qu'il est. Pas demander d'autres. Pas se référer à des livres, pas se référer à ceci ou cela. Qu'est-ce que ça vibre chez vous? Mais là, on m'instruire un peu plus, après ça, on va le savoir. Tu ne sauras jamais. Pour la simple raison que lorsque l'être humain rentre de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire, l'être humain, il est ceci, il est cela, il est cela, il est ceci. Et ça soit, bon, qu'est-ce que je suis? Ben, il est fait. Il va fouiller dans ses mémoires, puis il va amalgamer ça pour être ceci. Lorsque l'être humain n'a pas d'informations de ce genre, lorsque l'être humain se pose la question, ben là, de mots, tu as une chance qu'il se connecte à de l'intuition. Elle peut être liée au plan satanique, donc au plan du monde de la mort, donc mémoriel planétaire, la conscience collective, comme elle peut aussi être liée à son intelligence instantanée, à son esprit. Et l'être humain doit donc développer le discernement, simplement pour apprendre à discerner les deux. De quelle façon on discerne si c'est l'esprit ou les forces sataniques qui parlent à l'homme? C'est facile. Croyez ni un ni l'autre. Servez-vous de ce que vous êtes et puis appliquez ce que vous pensez être correct. De toute façon, vous allez toujours faire ce qui sera le mieux dans vos capacités de faire et vous ne serez jamais coupable de quoi que ce soit. Responsable, oui, pour la simple raison qu'il y a un esprit, vous, qui manipulez un corps, vous, et ce vous est assujetti au plan de l'âme, vous, encore une fois, manipulé aux forces sataniques créées par la conscience planétaire de l'homme. Y a-t-il une différence entre le diable et Satan? Satan est une terminologie qui fait référence à la totalité des forces, disons, mémorielles du monde de la mort de l'homme, planétaire. Et le diable est une phénoménologie qui fait référence à des particularités très limitées de cette force. C'est-à-dire que Satan peut manipuler dans n'importe quelle forme de religion, tandis que les formes diaboliques ne seront assujetties qu'à certaines formes de religion, donc à certaines formes d'égrégores, c'est-à-dire qu'on aura des diables particuliers de la religion chrétienne, on aura des diables particuliers de la religion islamique, de la religion krishnique, de la religion, etc., etc. Tandis que Satan englobe tous ces phénomènes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne possédée par un démon ne pourra être libéré par l'exorcisme que par une personne qui est son seul maître, le Nazaréen entre autres en est un exemple, ou par d'autres personnes qui ont suffisamment de références énergétiques à ce seul maître, c'est-à-dire que lorsqu'une personne s'en va quelque part, alors au nom du Nazaréen, c'est-à-dire que faisant référence au nom qui dans les plans sataniques, on sait c'est qui le Nazaréen, oblige quelqu'un à être exorcisé, il y a fortes chances que Satan oblige les diables ou les démons qui l'habitent à s'en aller. C'est pourquoi d'ailleurs, tant que l'homme reste lui-même, reste un être humain planétaire, il peut faire des choses au nom de Dieu ou au nom du Christ, mais rarement en son nom. Lorsque l'humain évolue, ce que moi j'appelle l'homme nouveau, il ne fait plus de choses au nom de Dieu ou au nom du Christ, il les fait en son propre nom. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une phénoménologie tout à fait normale. Lorsque l'humain peut maintenant se passer des béquilles, lorsque l'humain arrive à pouvoir exprimer cette divinité par lui, il agit en son nom. Mais ce n'est pas l'ego qui agit, c'est l'esprit par l'homme. Vous décrivez Satan comme extérieur à nous. Moi, je sens que je le porte dans mon subconscient, comme tricoté à même mes cellules, et qu'il fait partie de toutes mes réactions, qu'il est moi. Ai-je raison de m'identifier à lui? Question qui est relativement bien placée. Premièrement, on n'a jamais raison de s'identifier à quoi que ce soit. Alors évidemment, ça, pour la psychologie moderne, ça va dire c'est con. Si tu ne peux plus t'identifier à rien, tu ne seras rien. Imaginez-vous bien qu'on ne peut pas être tout si on est quelque chose de limité dans ce tout. Bon, celui qui a une phase, par exemple, dites pas un enfant de ne pas s'identifier. Il n'a pas de phase mentale développée. Il a une phase amique, il va devenir adolescent, et là, il y aura une crise entre sa phase intellectuelle et sa phase émotive, la phase de l'âme. Et par la suite, il développera un intellect suffisamment avancé, et par la suite, un plan mental, et puis là, il devra commencer à s'identifier à rien. Parce que l'humain, lorsqu'à un moment donné, quelque chose se passe, on fait quelque chose comme ça ici, et puis là, on se sent coupable. On s'identifie à ce qui nous a manipulés à faire une chose. On s'identifie. Alors on va simplement dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Je n'ai rien fait. T'as absolument rien fait là. Ce n'est pas l'homme qui l'a fait. Parce que si vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, si vous auriez su, vous ne l'auriez pas fait. Alors, demandez-vous pas pourquoi c'est fait là. Voyez-vous, c'est une chose qui est tellement, mais tellement, tellement, j'en parle de temps en temps dans les conférences, j'en parle surtout au niveau du séminaire PMC1, le séminaire sur l'homme nouveau, de ce maudit problème de la manipulation de l'homme qui est totalement manipulé pour faire des choses et qui s'identifie continuellement à ce qu'il fait. Alors, il va dire, ben, c'est moi qui ai fait ça. Mais c'est pas vous qui faites ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut peut-être pas comprendre convenablement en conférence, mais qu'on arrive à déboucher carrément à un moment donné quand on passe une fin de semaine. Le subconscient, la personne dit que Satan, bon, est tissé, tricote. Le subconscient, c'est simplement le conscient qui n'est pas conscient dans la conscience de l'homme. Tout ce qui n'est pas consciemment, instantanément conscient chez vous fait partie de votre inconscient. Alors, si j'ai dit le mot « vache », ça génère une vache. Alors, la vache était dans l'inconscient, maintenant, elle est rendue dans votre conscient. C'est pas compliqué, bien, bien. Mais ce qui était dans votre conscient, maintenant, elle est rendue dans le subconscient. La conscience collective, c'est ce qui s'appelle le subconscient au niveau de l'homme, sauf que chaque être humain a sa sphère de l'âme. Il y a l'ego qui est relativement luciférien, donc qui veut se prendre en main, qui veut évoluer, qui veut décider des choses et qui mange toujours des claques, qui espère et qui vit des illusions régulières. Il y a les mémoires volatiles, c'est-à-dire tout ce qui est enregistré par l'homme, mais qui le serait légué en arrière parce que ça n'a pas d'importance, ce qu'on appelle le subconscient. C'est exactement ce phénomène qui permet... Vous avez une enveloppe, un séraphin, l'enveloppe de l'âme. Ce séraphin, plus il est mince, plus vous êtes sensible aux manipulations extérieures, aux hypnologues, etc., etc. Alors, il se passe quelque chose, une pièce. Vous savez, les petites filles à l'école, moi, quand j'allais à l'école, les petites filles avaient des périsprits drôlement minces. Une petite fille partait broyer, toutes les filles partaient broyer. Bon. C'est ça le phénomène. Hein? Tu connais ça, parce que ça a déjà été des petites filles qui broyaient. Bon. Alors, ça, c'est la sensibilité. On a des humains, à un moment donné, qui rentrent quelque part, puis il se passe quelque chose, puis tout de suite, ils sont tous mal pris. T'sais? Bon. Ça, c'est la sensibilité du périsprit. L'enveloppe de l'âme, il est là pour protéger l'intégrité de l'évolution de l'âme. Les énergies sataniques, donc les énergies extérieures du monde de la mort, viennent, ce sont des vibrations. Lorsqu'elles frappent l'enveloppe de l'âme, elles ne peuvent pas le pénétrer. Ça sert à ça, une âme, une enveloppe, un séraphin. Sauf que frappant l'enveloppe de l'âme, elle induise la même vibration à l'intérieur des mémoires volatiles, et c'est ce qu'on appelle une possession. Lorsque les mémoires induites peuvent maintenant s'auto-nourrir et rester là. Lorsque c'est suffisamment fait souvent, ça crée une identification, un deuxième ego, et là, il y a possession complète. Il faudrait un exercice. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne a l'impression que Satan fait partie de son subconscient, enfin, qu'elle l'a à l'intérieur d'elle. Oui, tout le monde a une âme, tout le monde est relié à ce phénomène de Satan. C'est pourquoi c'est très important, à un moment donné, ou utile, qu'on en parle. On peut appeler ça de l'inconscience, on peut appeler ça de l'inconscience collective, on peut appeler ça de la conscience collective, on peut appeler ça le système, on peut appeler ça la mode, on peut appeler ça ce que vous voudrez. Mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, quand on prend des mots qui n'ont pas de puissance, on finit par dire « Ah oui, c'est la conscience collective, tu sais, on s'en fout. » Et quand on dit « c'est Satan », oh ben là, on ouvre les yeux. C'est la même chose. C'est la même chose. Sauf qu'on prend un mot qui est peut-être un peu plus puissant parce qu'il est archétypé. Ça nous dit quelque chose, Satan. Ça dit quelque chose. Qu'on y croit ou non, ça dit quelque chose. Il n'y a pas une personne ici qui y croit pas, qui viendrait avec moi à un moment donné dans le bois, puis que j'y présenterais, qui y croirait plus. Hein? Il n'y a même pas un qui dit « Non, moi, j'y crois pas, mais je n'ai même pas besoin d'y aller. » C'est ça. Là, chez vous. Référable. Bon. Alors, à même mes cellules, qu'il fait partie de toutes mes réactions, qu'il est moi, ai-je raison de m'identifier à lui? Vous n'êtes pas satanique, vous êtes espritique, c'est-à-dire que vous êtes de l'intelligence pure. Cette intelligence, elle traverse un gros filtre coloré, immense, l'atmosphère de notre planète. Bon, j'ai déjà expliqué, disons, scientifiquement comment ça se faisait. Je suis en train d'écrire une brique, justement, pour les chercheurs, de façon à ce qu'on explique moléculairement, il y a techniquement comment ça se passe. Alors, on va passer là-dessus un peu. Cette brume, c'est le ciel. L'énergie qui traverse cela se heurte à un paquet de choses. Et la seule chose qui arrive à l'homme, c'est la mémoire laissée par le passage de cette énergie. Alors, l'être humain est de l'intelligence qui, présentement, ne peut faire référence qu'à un contexte mémoriel, un contexte du passé. Alors, c'est évident que l'être humain s'identifiant à ce contexte mémoriel, vous identifiez à ce que vous avez été dans le passé. Et c'est ce que vous appelez « je suis ». Mais vous ne vous identifiez pas à l'instantanéité même de votre être, parce que vous ne pourriez pas dire « je suis ». Ça n'a aucune importance de le dire. Bon. Alors, l'être humain qui s'identifie à toute la phénoménologie satanique, inconsciente, subconsciente, etc., etc., c'est un être humain qui est mal pris, parce que c'est évident que les forces luciférienne ou sataniques tiennent à ce que l'être humain s'identifie à ces choses-là, parce que tant que l'être humain va s'identifier à Al Capone, hein, à Adolf Hitler, à Boy George, à Satan, aux Nazaréens, ben, ils ne s'identifieront pas à eux autres. Tant que l'humain n'a pas d'identification propre à lui, tant que l'humain n'est pas capable de vivre de lui, mais qu'il doit nécessairement vivre de l'extérieur, ben, évidemment, on nourrit les forces sataniques, c'est parfait. Alors, continuez à vous identifier dans des choses que vous n'êtes pas, et évidemment, ben, vous faites le jeu des forces de l'involution. Ce n'est pas de votre faute, tapez-vous pas la tête sur les murs. Ça ne change rien. Faut juste qu'à un moment donné, on arrive à comprendre l'idée. C'est pas dangereux, vous savez, de fonctionner avec Satan. Tout est prévu, tout est parfait. Faites-vous-en pas. Ceux qui vont en enfer, ils vont pas pour l'éternité. Pour l'éternité humaine, oui, il va rester des mémoires là-dedans, mais pas l'esprit de l'homme. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est d'identifier ce qui arrive là. Non. Sachez que vous êtes manipulé. Mais il y a un mot du problème. C'est depuis que je parle de la manipulation, il y a des gens qui ont découvert qu'effectivement, ils étaient manipulés et qu'ils ont réussi à se libérer, disons, d'une grande partie de la culpabilité manipulatrice. Ils n'ont pas encore éliminé toute la manipulation, pour la simple raison que ce n'est pas moi qui peux aider un humain à éliminer la manipulation. Par contre, lorsque, par exemple, là, au niveau du séminaire ou au niveau des conférences, lorsque l'humain arrive à voir suffisamment clair de quelle façon on tire les bribes de sa vie, alors l'humain, premièrement, cesse de se culpabiliser. Deuxièmement, l'humain sait maintenant de quelle façon orchestrer son évolution, parce que maintenant, il sait ce qu'il doit faire énergétiquement pour pouvoir couper les contacts de la manipulation. Et l'humain se libère des contraintes, des forces d'évolution, donc ce qu'on peut appeler les forces sataniques. Maintenant, lorsque l'humain s'identifie à ce qu'il est, c'est-à-dire que lorsque l'humain est maintenant capable de voir, de faire la part entre tout ce qu'il fait, qui n'est pas lui, et tout ce qu'il aimerait faire, qui est peut-être plus lui, mais qu'il n'arrive pas à faire parce que pour l'instant, il n'est pas le maître contrôleur chez lui. Lorsque l'humain arrive à faire la nuance, il commence à dire une chose. L'évolution, c'est le fun, c'est plaisant, puis c'est plus souffrant. Alors, on va dire, voyons donc, Christy, tu fais telle connerie. Oui, mais quand je vois de quelle façon ça a été organisé, ça me fait rire, c'est écœurant. Tu sais, c'est génial tellement c'est con. Puis moi, je suis aveugle. L'être humain n'est pas con, il est ignorant. C'est aveugle. Alors, à un moment donné, il se passe des choses, tu fais des conneries, puis là, tu vois. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de gagner un pas de plus sur Satan. Continue, mon cœur va me manipuler. Puis à un moment donné, il m'a fini par voir. Parce que lorsqu'à un moment donné, les forces manipulatrices, puis ça arrive au niveau de ceux qui font le séminaire, d'ailleurs, on les met en garde, tu fais le séminaire, tout va bien, on dirait que tout se tarde, ça te marche. Ouais, compte pas chanceux. Parce que tu ne peux plus connaître les forces manipulatrices. Lorsqu'un phénomène vous pénètre et vous manipule, bloquez-le pas. Et le contrôle total des émotions. Pas grave mettre contrôleur. L'idée même que l'homme doit être son seul maître, c'est pas qu'il doit contrôler, bloquer ses émotions. Lorsque quelque chose traverse l'homme, il doit la laisser aller. Il doit s'accoler à ça, cheminer avec. Et là, il va comprendre ce qui se passe. La chose ne reviendra plus jamais. C'est comme si le Nazaréen refuserait de voir Satan. Il n'y aura pas grand-chose. Faut qu'il le voie. L'autre, il offre ceci, il comprend comment ça marche. Il offre ceci, il comprend. Il, à un moment donné, ben là, il est fini. Voilà. Capote. L'être humain, c'est le même phénomène. Lorsque l'être humain se conscientise, dans les couples, on a énormément de problèmes, de manipulation, de chicanes, de ci, de ça. Ça semble qu'il t'a évolué. Regarde-moi la femme nouvelle, là. C'est un paquet de niaiseries pour récupérer. C'est fréquent. Mais tout ce qu'il faut observer, ce qui se passe simplement, regarder de quelle façon tu comprends quelque chose de beau, puis à un moment donné, tu t'en sers pour démolir. Observe. C'est pas toi! Bon, mais c'est comique, comment qu'on arrive toujours à te surprendre, à te faire chorier. Alors, l'humain est continuellement violé. On viole sa conscience. Alors, évidemment, il faut arriver à être lucide. Alors, oui, là, tu viens de dire ça. Il me semble que si, puis là, on y va, on s'amuse. C'est ton régime, là, ben, c'est n'importe quoi. On s'amuse. Aidez-le surtout pas, parce que si vous l'aidez, il risque de s'en sortir. Et t'as manipulé. On ne veut pas que personne s'en sorte. Sauf quand je dis on ne veut pas, je parle des forces qui encarcanisent l'humain au niveau de son évolution. L'homme doit à un moment donné se lever, la femme doit se lever, puis devenir son seul maître, et puis on va régler bien les problèmes. S'identifier à ces choses-là, non. S'identifier à vous. Alors vous allez dire, oui, mais je suis quoi à travers tout ça? Pour l'instant, vous ne le savez pas. Fait que, identifiez-vous simplement à ce que vous observez. Faites juste observer, puis laissez faire savoir qui vous êtes. Lorsqu'une personne ne veut pas vivre ses émotions, se crée-t-il un déséquilibre énergétique? Bon. L'émotion est une condition expressive, c'est une expression d'une tangente vibratoire astrale, donc amique, qui par le biais de l'énergie vitale, en l'occurrence des centres d'énergie que l'on connaît bien, les chakras, et surtout par le biais biologique de l'hypothalamus et du thalamus, s'exprime par le corps physique. Et ce qu'on appelle l'émotion, c'est une lutte du corps physique contre une agression du monde de la mort, contre une agression de l'âme. Chaque fois que vous avez une émotion, sachez que c'est que l'émotion que vous exprimez est une lutte, une défense du corps physique contre l'agression de votre âme. Ouais, non, j'ai ri comme un fou, ça a dilaté la rate, exactement. J'ai ri comme un, ou encore j'ai eu peur, puis j'ai shaké, puis j'ai, exactement. Vous savez, si on vous prive d'oxygène, on vous étrangle. Il y a des réactions endocriniennes qui se mettent en marche. Si on vous coupe une jambe, ça saigne, il y a des réactions endocriniennes qui se mettent en marche. Toutes les émotions fonctionnent de la même façon. Le corps essaie de réagir à un têtage d'énergie vitale au niveau de l'âme. Donc, le corps entre dans une crise où il réagit Et cette réaction étant connue de l'ego, devient sécuritaire pour l'ego, et l'ego appelle ça une émotion, alors à un moment donné, l'ego va rechercher des émotions. Chaque fois que vous avez une émotion, c'est que votre âme tête de l'énergie, donc votre ego tête de l'énergie, et lui-même recherche des émotions pour la simple raison que c'est l'âme satanisée, donc en relation avec le monde de la mort, donc le monde astral, qui justement puise de l'énergie, et alors là, il y en a qui vont rechercher des émotions, voire des vues d'horreur, parce que leur ego se nourrit d'expressions corporelles qui, en réaction avec les vues d'horreur. D'autres, c'est les films d'amour. Hein, les films romantiques. Alors, c'est l'émotion, c'est cela. Lorsque une personne ne veut pas vivre ses émotions, c'est qu'elle a simplement une consistance au niveau de son âme qui lui fait, ou au niveau mental, qui lui fait prendre conscience, elle s'identifie dans une chose qui n'est pas son ego. L'ego vivant les émotions, la personne s'identifiant dans quelque chose d'autre que son ego, évidemment, ce qui est vécu au niveau émotion, ben, c'est pas elle. Ce ne sont pas ses émotions. Elle ne veut pas les vivre, elle ne veut pas s'en nourrir. C'est-à-dire que la partie dans laquelle elle s'identifie ne se nourrit pas de l'émotion. L'ego s'en nourrit. Alors, la personne ne veut rien foutre avec ces maudites émotions-là. Elle aimerait avoir d'autres choses pour la nourrir, elle. Cette personne est donc décentrée par rapport à elle-même. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que c'est naturel? Oui. Est-ce que ça va changer? Ça va s'organiser? Oui. Ça va-tu prendre du temps? On n'a rien à foutre. Ça va marcher pareil. Alors, la personne ne doit pas s'en faire. Elle n'est pas malade. Il y a beaucoup d'individus qui sont comme ça. C'est simplement une décentralisation au niveau de l'identification dans l'ego et les choses se placent. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on ne doit pas empêcher une émotion d'être exprimée. Je veux dire par là, c'est que on a des individus qui vivent une émotion et vont pleurer. D'autres vivent la même émotion et partent, ont une crise d'asthme. L'émotion doit s'exprimer pour l'instant. Un jour, vous allez apprendre à observer le mécanisme et l'émotion elle-même va, ce phénomène va disparaître. Vous allez être sensible, mais vous n'aurez plus d'émotions dans le genre des émotions de l'homme ancien. De l'avoir une sensibilité, par exemple, drôlement plus affûtée. Bon, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que autant que l'émotion s'exprime par une voix qui endommage pas trop le corps, plutôt que de faire comme si on la brimait, puis elle va s'exprimer, elle va aller têter d'énergie ailleurs dans le corps, peut-être dans une voix qui va endommager le corps. Serre d'estomac, problème coronarien, fractus du myocarde, hypertension, hypotension. De toute façon, la semaine prochaine, on a une conférence, les maladies de l'homme nouveau. Donc, de la femme nouvelle. Et une chose intéressante, c'est que ce n'est pas Daniel qui va m'interviewer, mais ça va être un médecin. Alors, de cette façon-là, ben, on va pouvoir faire une conférence réellement. Ce médecin, d'ailleurs, a la connaissance, un peu a vu suffisamment de patients qui ont fait, on essaie de trouver, on observe les symptômes, on veut faire un diagnostic, tout ce qu'on sait dire, ben vous n'avez rien. Oui, j'ai mal partout, ben oui, je sais bien, mais prenez ça, puis bon. Alors, c'est donc, ça, on revient par cette mécanicité au phénomène, justement, des maladies de l'évolution. Alors, la semaine prochaine, on va s'étendre là-dessus, et c'est un médecin qui va m'interviewer. De cette façon-là, on va pouvoir aller grimper un peu. La réaction qu'on pourrait dire satanique, comme le plaisir de regarder quelqu'un que j'aime, mon attendrissement face à cette personne, sont ce que, sans être vrai chez moi, alors que j'intuitionne l'esprit, sans le sentir physiquement, est-ce que le contact avec l'esprit va être aussi physique et vrai un jour? Bon, le contact avec l'esprit n'est pas d'ordre physique. Et une chose qui est extrêmement importante, c'est que la question ici, elle est quand même, disons, formée par un ego qui comprend des choses, qui a appris des choses et qui veut quelque chose. Bon, c'est un peu comme si on disait, est-ce qu'un jour je vais rencontrer Dieu? Non. L'humain ne rencontrera pas Dieu. L'humain qui rencontre Dieu ne rencontre que la mémoire du passage d'un phénomène. Alors, il peut se la faire sienne au niveau mémoriel, puis il peut la réexpérimenter, donc il rencontre Dieu. Il est lui par rapport à Dieu. Mais l'homme nouveau ne rencontre pas Dieu. Il n'est pas lui par rapport à Dieu. Il devient ce Dieu. Alors, il ne peut pas le savoir. Lorsqu'une personne, par exemple, est-ce que ça va être physique? Est-ce qu'on va pouvoir le... Bon, non. Il y a des choses physiques qui vont se passer, mais ça n'aura plus aucune importance, parce que lorsque l'esprit va venir remplir l'humain, l'ego ne sera plus là. C'est un peu ce que le Nazaréen essayait d'expliquer quand il disait « Je ne fais pas ma volonté, je fais celle du Père. » C'est pas celle de l'ego, la créature. C'est celle de ce qu'il a créé. Maintenant, lui ne parlait pas pour lui, il parlait pour les autres. Parce qu'à un moment donné, il a dit lui-même « Je suis ». C'est évident. Enfin, c'est évident. Oui. Alors, les réactions qu'on pourrait dire satanique. Une chose très importante, le terme satanique, employez-le avec nuance. C'est pas dangereux d'employer le terme satanique au niveau énergétique. Ça frustre pas Satan, il est content. Bon. Ça ne sert à rien, mais il est content pareil, on parle de lui. Bon, en mal ou en bien, hein, les politiciens. Bon. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que le terme Satan et le terme satanique a tellement été galvaudé qu'on finit par s'imaginer que c'est quelque chose de mal. Ben, effectivement, c'est quelque chose de mal par rapport au bien. Mais on a un terme typique qui est les forces astrales, qui est l'astral. L'astral n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'il implique autant les phénomènes spirituels avancés, autant les phénomènes spirituels involués. Satanique par rapport à l'autre. Donc, Satan, il faut faire attention. Lorsqu'on va dire, moi, mes énergies sataniques, votre ego est archétypé, il a été instruit de ce que pouvait être Satan, mes énergies sataniques, à un moment donné, vous allez finir par vous penser possédé. À force de répéter le terme. Et c'est extrêmement important ce que je dis là. Moi, je peux parler de Satan parce que ça, le mot, je sais ce que ça donne, mais ça ne fait rien au niveau de mon ego. Ça ne fait rien au niveau de mon âme. Pour le peu qu'il y a. Mais par contre, lorsque l'humain l'emploie, lorsque l'humain, il y a un synonyme astral. Il n'a pas été stéréotypé par le passé, donc lorsqu'on emploie le mot astral, qui définit le même phénomène, on ne peut pas être assujetti à la marque laissée par le mot Satan. C'est Satan qui te fait mener, qui te mène. Ça voulait dire simplement que c'était réellement pas correct. C'est Dieu qui me mène. C'est parfait. Les deux sont inclus dans ce que j'appelle l'astral. Là, on risque moins de s'embourber en employant d'autres termes. Or, phénomène satanique, phénomène astral, c'est la même chose, c'est moins dangereux, parce que ça fait moins peur. Est-ce que le contact avec l'esprit pourrait être aussi physique? Qu'est-ce que c'est que le contact avec l'esprit? C'est pas compliqué. Si vous êtes malade, vous êtes en transition. Lorsque vous serez en contact, vous ne serez plus malade, vous n'aurez plus besoin de manger, vous n'aurez plus besoin de dormir, vous allez peut-être manger pareil, faire plaisir aux autres. Vous n'aurez plus besoin d'enfin, il y a plusieurs choses qui vont carrément être éliminées pour la simple raison que lorsque l'esprit est capable d'être supporté par un corps physique ne peut plus être altéré par la condition expérientielle de l'homme. Ça fait des milliers d'années que chaque être humain attend ce jour, et lorsque j'en parle, chaque être humain se dit « ben oui, on va ». C'est ça. Ce que j'appelle l'être humain médiocre, hein, qui veut être sauvé, mais qui espère qu'un jour il va être sauvé, mais qui espère pas qu'un jour il va le vivre sauvage. Tu sais, à un moment donné, il ne sera pas sauvé par quelqu'un d'autre, c'est lui qui va se prendre en main. L'être humain peut-il poser un seul geste à l'encontre de ce qu'il croit être son propre avantage? Tous nos gestes, pensées, paroles, donc toutes nos dépenses d'énergie servent-elles uniquement à tenter de contrôler autrui, nos pensées, le monde extérieur, etc., de façon à ce que tout ce qu'on tente d'influencer favorise maintien et amélioration de notre bien-être? L'être humain refuse-t-il de savoir ce qui n'est pas lui? Bon, l'être humain peut-il poser un seul geste à l'encontre de ce qu'il croit être son propre avantage? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain ne veut pas manipuler autrui. Les êtres humains sont des êtres de bonne volonté. La seule chose qu'il y a, ce sont des êtres ignorants. Lorsqu'un être humain est convaincu que ce qu'il fait pour la collectivité est bon, il le fait. Ce qu'Adolf Hitler a fait, c'est ce que le Mahatma Gandhi a fait, c'est ce que d'autres ont fait. Les êtres de bonne volonté. Je l'ai dit souvent, l'être humain veut faire le bien, sauf qu'il le fait mal. Bon. Lorsqu'on veut poser un geste, l'ego de l'homme est un phénomène, on l'a déjà expliqué dans des conférences antérieures, mais l'ego de l'homme grandit lentement avec ce que j'appelle des agglomérats mémoriels, et lentement, ça constitue un ego qui finit par s'identifier à lui, parce que dans l'âme, l'ego, lorsqu'il bouge, laisse sa trace. Laissant sa trace, il peut expérimenter sa trace. Expérimentant sa trace, il découvre qui il est. J'expliquais à un moment donné que si vous étiez tout à fait invisible et que vous ne puissiez pas vous voir, si vous marchez dans la neige blanche, vous ne saurez pas où vous existez si jamais vous ne vous êtes vu. Vous ne pouvez pas savoir que vous existez. Vous ne vous touchez pas, il n'y a rien. Alors, vous n'existez pas. À un moment donné, vous observez à terre, c'est blanc. Vous vous retournez, il y a des pas. Alors, vous allez bouger, puis il y a encore des pas. Alors, expérimentant les traces que vous laissez, la mémoire, et vous allez vous voir avec « je suis ». L'être humain peut dire « je suis » parce qu'il sait qu'il a été. J'ai été, donc je suis. C'est le phénomène de l'ego. Alors, l'être humain se sécurise par ce phénomène de l'ego et sa sécurité peut être une sécurité où il se renferme chez lui. Il est bien. Un autre, ça va être une sécurité où il doit avoir un peu de pouvoir, manipuler. L'être humain n'est pas foncièrement manipulatif. Sauf que l'être humain a besoin d'une forme de sécurité. S'il pourrait être sécure, c'est-à-dire s'il pourrait être nourri, il doit manipuler, il manipulera. S'il pourrait être nourri, il doit avoir une mission, il l'accomplira. Enfin, il tentera de l'accomplir. Alors donc, est-ce que l'être peut poser des gestes à l'encontre de ce qu'il croit être son propre avantage? Souvent, pourquoi? Parce qu'on omnibule sa conscience, alors l'humain fait des choses qu'il ne connaît pas. Hein? Quand on commence à se droguer, c'est pas notre avantage. Pourtant, on pose le geste parce que sur l'instant, on est convaincu que c'est notre avantage. Tout le temps, quand on était jeune, on disait jamais, jamais je ferai ça. Puis, à un moment donné, collectivisé par les amis, on rentre dans une conscience différente, on voit les choses différentes, chacun nous amène son opinion, puis là, on dit ça a peut-être d'allure, là, on essaye ça, puis là, on s'en va. Puis il y en a qui regrettent, puis il y en a qui sont contents. Bon. Tous nos gestes, pensées, paroles, donc toutes nos dépenses d'énergie servent-elles uniquement à tenter de contrôler parmi nos pensées le monde extérieur? Non. Alors, je répète donc que ce qui présentement anime l'humain, l'humain veut évoluer parce qu'il a été écœuré de souffrir, et il sait un peu vers où se diriger par la partie luciférienne qui l'éclaire. L'humain ne veut pas vivre que pour manipuler l'autrui. L'humain ne veut vivre que pour se nourrir au niveau de son âme. C'est parce que l'être humain a un âme dans lequel vient justement vibrer ce phénomène luciférien que l'humain veut évoluer. Pas d'âme, pas d'évolution. Sauf que l'âme s'identifie à elle-même, puis l'âme veut être nourrie. L'ego veut être nourri. Il veut un contact privé avec Dieu. Bon, il est content, foufou. Là, il est illuminé, là, il vient en parler à tout le monde, il se promène un peu partout. Il a besoin de disciples. Pourquoi? Parce qu'il pourra maintenant s'auto-énergiser, répéter sa mémoire à l'extérieur. Les disciples vont triper avec ça et mettre de l'émotion, et le maître va s'en nourrir, donc le maître est bien de faire sa mission. Sauf qu'il aura besoin, à un moment donné, parce que l'ego se contente jamais, parce que l'ego grossit, il aura besoin de demander de plus en plus d'énergie à têter chez autrui, alors il dira assez fidèle, mais parlez-en, à amener d'autres individus. Par rapport à ce que je dis, certains vont dire, bon, mais Daniel Kim, lui, c'est ce qu'il fait. C'est intéressant comme question. Daniel Kim, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, ce n'est pas un maître, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas quoi que ce soit. Il n'a pas de disciples, il n'en veut pas. Il a des amis, par contre, c'est une chose intéressante. Et ce que je fais au niveau de la conférence, bien évidemment, je mets de l'énergie. Et cette énergie revient sous forme de questions, ce qui me permet de grimper aussi, d'aller fouiller dans des choses que je n'irais pas normalement. Alors évidemment, vous bénéficiez de ce que j'aimais et je bénéficie du retour, sauf que moi, je le sais et je n'en ai pas besoin au niveau de ma propre sécurité égoïque. J'ai commencé à faire des conférences, il y avait un individu, je remplaçais quelqu'un, ça ne m'a pas dérangé. J'ai fait des conférences de temps en temps dans d'autres places, dans des pénitenciers ou des choses comme ça. Et puis c'est tout à fait différent, ben, j'ai aucun problème. Parce que ça a une intelligence sociale de le faire, je le fais. Puis à un moment donné, ben, je prends des vacances puis je m'ennuie pas pantoute. Alors je ne suis pas un maître, ce qui est une grosse nuance. Satan n'étant pas un être défini, qu'a donc rencontré le Christ dans le désert? Est-ce que Satan les extraterrestres peuvent vampiriser l'homme? Bon, vampiriser, donc têter l'énergie de l'homme, alors ça va de soi que Satan se nourrit de ces phénomènes. On a parlé la semaine dernière et d'autres conférences avant du phénomène extraterrestre. Alors on sait donc qu'il y a effectivement des phénomènes extraterrestres qui sont là pour sucer l'homme comme une vache à lait. Et il y a d'autres phénomènes extraterrestres qui sont de l'intelligence supramentale, qui ne viennent pas à bord d'ovnis ou de choses comme ça, et qui viennent simplement se connecter à l'homme, donc toucher l'homme par le biais du mental, ce qu'on appelle encore une fois le contact avec l'esprit. L'esprit fait partie du monde des cieux. La Terre, elle est limitée par paramétrée par le ciel. Donc, évidemment, l'esprit est extraterrestre en ce sens qu'il n'est pas terrestre. Maintenant, il ne vient pas à bord de vaisseau spatial. Bon. Qui a rencontré le Christ dans le désert, étant donné que Satan est un phénomène qui est, disons, planétaire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'a rencontré le Christ était la concentration, la densification massive dans un lieu particulier de toute la mécanicité satanique. Alors, autrement dit, lorsque le Christ a rencontré Satan dans le désert qu'il a jasé avec, il n'y avait pas énormément de mal à l'échelle de la planète. Il était concentré dans une région planétaire, l'endroit où était le Nazaréen. Vous dites que Jésus a médité dans le désert, mais vous dites que les apôtres ne savaient rien de ces méditations. Comment avez-vous fait pour arriver à cette conclusion? Bon, j'ai dit tout à l'heure que le Nazaréen dans le désert était accompagné, et c'est pourquoi les apôtres l'ont su. Alors, je n'ai pas, disons que la personne n'a peut-être pas tout à fait compris, Jésus a médité dans le désert, mais vous dites que les apôtres ne savaient rien de cette méditation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, premièrement, le Nazaréen ne comptait pas à ses apôtres, à ses 63 apôtres, tout ce qui lui arrivait. Bon, c'est une chose. Deuxièmement, dans les apôtres qu'il avait choisis pour le suivre, c'était des êtres humains, il y en avait deux. L'un qu'on connaît bien, Pierre, et l'autre, enfin, il y en avait deux, Pierre et l'autre ont parlé, l'un que l'on connaît moins, mais qui est l'un des plus grands. Donc, c'était un ami, c'était même pas un apôtre, c'était un ami, c'est Lazare. Bon, Pierre a parlé, Lazare s'est tu, et c'est de leur qu'on sait les choses. Il y a des choses que on va, sur lesquelles on va revenir un peu plus tard, mais disons que je ne tente pas pour l'instant de parler du phénomène Lazare, du phénomène de Pierre, du phénomène donc de la division à un moment donné au niveau de la gestion de ce que le Nazaréen a laissé à l'échelle de la planète. Mais sachant une chose, c'est qu'il y a deux écoles fondamentales. Il y a celle de Pierre et il y a celle de Lazare. Quelle est l'utilité du passage du Nazaréen sur la Terre puisque l'homme n'a pas évolué pour arriver à un contact avec lui, et ce depuis 2000 ans? Bon. L'être humain, savez-vous ce que c'est que l'évolution? C'est une question idiote, remarquez bien. L'être humain pense qu'il évolue. J'ai déjà expliqué ce genre de choses où ce qu'on se dit, oui, mais à quoi ça a servi que le Christ vienne? T'sais, l'être humain, il saillit autant qu'avant. Il y a des guerres autant qu'avant. On pollue autant qu'avant. On se viole autant qu'avant. On chiale autant qu'avant. Il y a eu une évolution majeure, celle qui amène l'homme ancien à transiter vers un phénomène nouveau. Mais le problème, ce n'est pas un problème, c'est qu'on n'avait pas le choix, c'est que c'est l'âme de l'homme qui s'est emparée du vestige mémoriel laissé par le passage nazaréen, et on a toujours essayé de privilégier l'évolution de l'âme, donc l'humain se dit, mais après 2000 ans, après ce que le nazaréen a dit et fait, on devrait s'aimer plus. C'est de l'amour psychologique, on ne peut pas aimer d'amour psychologique. L'amour psychologique est un amour sélectif, donc j'aime un tel et lui je l'aime pas, pas compliqué, mais ben. Alors, ça n'a rien changé. Il faut comprendre une chose, c'est que l'âme de l'homme est un phénomène égoïque, paramétré par le périsprit, ce qu'on appelle les séraphins au niveau de la Bible, et il y a plein de phénomènes astro à l'intérieur, les mémoires volatiles, son expérience, sa mémoire, son passé, et cet être humain, l'âme de l'homme, n'est pas quelque chose qui évolue. L'âme n'est pas un véhicule évolutif, c'est un véhicule mémoriel, donc un véhicule stagnatif. Alors, lorsque l'humanité se dit, mais après le passage nazaréen, il me semble qu'on aurait dû comprendre. L'âme, ça ne comprend pas. De l'âme, ça ne comprend rien. Il faut qu'on explique à l'âme les choses. Il ne comprend pas plus. Mais lorsqu'on lui a dit assez souvent, c'est suffisamment mémorisé, alors il finit par penser que c'est une condition de compréhension. Il a appris. Pas compris. Le mental de l'homme peut comprendre des choses, il peut légiférer sur les mémoires de l'âme. Mais l'âme, ça n'évolue pas. Alors, après 2000 ans de passage nazaréen, l'humanité n'a pas évolué. Mais c'est évident qu'elle n'a pas évolué au niveau de l'expression de l'âme. Après le passage de Bouddha, ça n'a pas changé rien au niveau de l'âme. Mais vous avez des corps physiques neurologiquement mauditement mieux bâtis. Vous avez des corps physiques endocrinalement mauditement mieux bâtis. Et l'être humain est de plus en plus en direction d'une condition nouvelle d'évolution, celle où il commence à douter des choses du passé. Celle où il commence à douter de l'instruction qu'on lui a donnée. Celle où il commence à vouloir à poser de nouvelles questions. Celle où il commence à penser que l'écologie, c'est peut-être important. Celle où il commence à dire, bien, les enfants... Celle où il commence à se poser individuellement des questions nouvelles, des questions qui ne sont pas induites par un phénomène psychologico-politique. Par exemple, à un moment donné, on a parlé de la cigarette. Alors, il y a beaucoup d'humains qui ont dit, c'est vrai, il faudrait qu'on arrête de fumer. Il faudrait qu'on publicise les poumons noirs pour que l'humain commence à y penser. Mais on sait très bien que ça n'a rien changé. Les gars ont besoin de la cigarette. L'humain, même s'il sait, continue à fumer. On a besoin de lutter puis se mortifier pour cesser de fumer. On rit de ceux qui se piquent plein d'aiguilles dans la peau pour que j'aurais rencontré Dieu. Bien, ceux qui veulent évoluer en se mortifiant, en devenant végétarien ou en cessant de fumer à tout prix. Vous savez, cesser de fumer, c'est important. Quand on se sent prêt, on essaye, on peut suivre une technique pour cesser de fumer. Si ça ne marche pas, c'était pas le temps. Puis à un moment donné, si ça marche, c'était le temps. Mais une chose certaine, c'est que se mettre une condition sine qua non d'évolution, devenir végétarien, c'est con. Cesser de fumer, c'est con. Cesser de ceci, cesser de cela, ça sert à rien. L'être humain n'évolue pas au niveau de l'âme. Ce n'est pas à partir d'un concept de l'évolution que l'humanité évolue. Le Nazaréen, ce qu'il a laissé à l'humain, c'était pour satisfaire les égos de l'homme. Au niveau de ce que les apôtres ont transcrit dans les Nouveaux Testaments et dans les Évangiles apocryphes, ce qu'on a décidé qui n'était pas suffisamment, disons, spirituel pour les rentrer là-dedans. Le Nazaréen a laissé ça comme trace mémorielle à l'humanité. Mais l'intelligence, l'utilité du passage nazaréen, c'était pour ouvrir une porte dans le ciel. C'était pas pour laisser un message biblique à l'humanité. Il a ouvert une porte dans le ciel. À partir du passage nazaréen, les humains ont la possibilité, un jour, de quitter le ciel et de se ramasser dans les cieux. C'est ce que le Nazaréen a laissé comme trace. C'est ça qui est l'intelligence de la chose. Alors l'humain se dit, oui, mais après 2000 ans, ça n'a rien changé. Ça a tout changé, pas dans l'âme. L'âme, ça n'évolue pas, c'est la mémoire. Mais ça a tout changé parce que maintenant, outre votre âme, vous réfléchissez différemment. Et l'humanité nord-planétaire, et surtout l'humanité du Canada, surtout l'humanité du bouclier canadien, et présentement surtout l'humanité de la province de Québec, a cette faculté de réfléchir une énergie nouvelle qui n'est plus mémorielle, mais qui est maintenant instantanée. Très peu, très peu. Le Québécois, vous savez, c'est le seul peuple sur sa planète qui s'aide pas, qui s'entraide pas, qui est individualiste au bout. Et que c'est con. C'est génial. Parce qu'il est individualiste au bout, mais il n'arrive pas à rien bâtir. Puis il est individualiste dans sa conscience, c'est le peuple moins assujetti au nationalisme, aux manipulations sataniques de groupe, ce qui fait que c'est effectivement le premier peuple qui va arriver dans une conscience individuelle à ce phénomène de l'homme nouveau, donc à être centré dans sa propre intelligence reliée à son esprit. C'est le premier peuple qui va réellement se servir de ce que le Nazaréen a laissé comme condition d'évolution. C'est suffisant. Dans ton exposé, si je suis bien astral, serait le monde satanique. Et quand on est pris dans un piège astral, de quelle façon s'en sortir sans trop de dégâts? Bon, ben pour se sortir d'un piège astral, cela veut simplement dire comment faire pour évoluer, pour augmenter notre taux vibratoire, pour arriver à un moment donné à être suffisamment son seul maître à bord pour pouvoir s'éclairer. Alors, vous continuez à vivre ce que vous vivez, vous continuez à faire ce que vous faites, vous continuez à suivre vos feelings, vous continuez à vous faire manipuler s'il y a lieu, et puis vous allez expérimenter de par vous-même, vous allez donc devenir un peu plus votre seul maître, et à un moment donné, expérimentant de par soi-même, on finit par s'en sortir. Il y a des conditions qui peuvent aider. Vous pouvez vous inscrire à un cours de relations humaines à un moment donné. Cela va instruire dans votre ego de nouvelles formes mémorielles qui vont permettre à votre ego d'envisager la possibilité que peut-être vous n'êtes pas aussi médiocre que vous pensez. Donc, il va permettre, l'ego va donc maintenant libérer le mental pour qu'il aille chercher des choses. Et ce cours vous aide à évoluer. Il ne vous libère pas. Il permet à votre ego de libérer un peu plus d'énergie au niveau du mental. On peut faire le séminaire PMC1 qui est exclusivement axé sur l'instruction de l'ego de façon à libérer de l'énergie. Et on amène des choses. Sauf qu'une fois que cela est fait, on a fait un pas peut-être au niveau d'une libération face aux forces manipulatrices. Mais évidemment, le rôle vous revient de droit. C'est vous qui devrez vous supporter. Alors, certains vont suivre un cours de théâtre pour apprendre à jouer des jeux. Puis à un moment donné, ils finissent par se dire, « Ça, quand je joue un rôle, on croit. » Mais là, on allait me trouver une job, puis moi, jouer le rôle du gars qui va renforcer sa compagnie. Il faudrait qu'il me croie. Il rentre là-bas, puis là, il joue. Il s'est engagé. Il se rend compte, « Sac, le monde sont bien niaiseux. » Le monde ne sont pas niaiseux, le monde, ils vivent toujours à partir des formes. Bon, amène une forme toute défloquée, puis dit au gars, « Ben, j'aimerais ça travailler pour vous, tu sais, je sais pas s'il va être capable, mais on va essayer. » Ben oui, il marche avec la forme, le gars, il va dire, « Ouais, ouais, ben, va voir chez le voisin s'ils ont besoin de toi. » Il marche avec la forme, pareil. T'arrives là, puis tu lui dis, « J'ai vu ton garage, là, c'est tout mal placé. » Tu sais, c'est pas pire. Mais moi, là, je peux t'organiser ça, puis je te garantis qu'au bout de 6 mois, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. On va faire de quoi de correct. Ben, le boss, j'ai pas besoin de personne. Il dit, non, je comprends, t'as pas besoin de personne. T'as même pas d'argent pour y payer. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu m'engages, on commence avec un salaire bien raisonnable, moi, te prouver que ça va marcher. J'aurais pu aller m'engager ailleurs. J'ai vu un paquet d'autres places, mais c'est ici que ça m'intéressait. Tu sais, ça avait l'air, c'est bon. Ben, le boss, ouais, ben, on va essayer, on va essayer. Tu joues un rôle. Puis là, ben, à un moment donné, ton rôle, tu l'as. Faites comme si vous l'aviez, hein? Pas penser, là, tu sais, là, ben là, j'ai une job. Tac, tac, tac. Ah, merde, un dimanche. T'entends chez vous, tu sais? Bon, c'est pas ça à faire comme si on l'avait. Là, c'est le gars, il dit non, je n'ai pas besoin. Tu t'en vas pas, ben, je savais que ça marchait pas. Mais non, t'es trompé de compagnie. Tu t'en vas voir ailleurs. Tu continues à étiqueter. On vit. Il m'arrive parfois la nuit de me réveiller et je suis séparé de mon corps. Ça me fait peur. Mais cela m'intrigue et parfois je recherche cet état. Est-ce que cela indique un dédoublement de la personnalité ou bien la fuite d'une supposée réalité? Bon, pour avoir, disons, une réponse peut-être plus élaborée, on pourrait faire référence à une conférence que j'ai donnée qui s'intitulait, je crois, « Le voyage astral ». L'extra-conscientisation du corps astral, cela veut simplement dire que l'ego a une concentration, disons, une conscientisation de son être-té. Normalement, il place son identification à l'intérieur même de l'agglomérat de l'ego. Sauf que pendant le sommeil, il peut arriver à un moment donné que l'identification de ce que vous êtes, le « je suis », l'identification de l'être-té, de vous, se fasse ailleurs que dans l'ego. Ce qu'on appelle le voyage astral. En réalité, le corps astral ne quitte pas le corps de l'homme, sauf que l'identification peut se faire des molécules de l'air. Alors, tu peux voir ta chambre, tu vois tes choses. Certains vont dire, oui, mais j'ai même vu mon corps astral. Justement, si tu as vu ton corps astral, c'est bien la preuve que tu n'étais pas dedans. Tu étais à côté, tu le voyais ton corps astral. C'est en plein ça, OK? Mais pour que l'humain se sente sécure, alors il peut effectivement construire un corps astral, voyager avec ou des choses comme ça. Parce que, voyage, les Égyptiens qui ont instauré le premier ce genre de phénomène d'évolution à travers les archétypes et la conscience akashique de la planète. Et pour pouvoir initier convenablement, les disciples, il leur disait c'était un voyage. Parce que le gars avait pu comprendre que pas de corps physique, quand il va quelque part, il voyage. Alors, on lui expliquait le corps astral, ces phénomènes-là, puis le gars partait, était tout content. Il n'avait pas besoin de son corps, mais il était tout content pareil. Alors, la personne, donc, elle vit une chose qui est tout à fait normale. Le seul phénomène intéressant, c'est qu'elle a la possibilité de mémoriser ce qu'elle vit dans une région où elle pourra s'en rappeler. Elle appelle donc cela à être réveillée et elle voit des choses. Et ce n'est pas un dédoublement de personnalité, ce n'est pas pathologique, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Ça fait peur, oui, parce que l'ego a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas parce qu'il ne sait pas ce que cela va engendrer comme conséquence chez lui. Il a donc peur des choses inconnues. Si la personne sort régulièrement, au bout de 5-6 ans, elle va trouver ça bien plaisant. Elle va avoir peur quand ça ne marchera plus. Bon, alors pourquoi? Parce que là, l'ego, disons, vit quelque chose de neuf encore une fois. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Ce n'est pas une marque d'évolution, c'est simplement un phénomène. Il y en a qui ont une voix juste pour chanter. Il y en a qui font des voyages astrales. Ils ne sont pas plus évolués l'un que l'autre. Ça n'a rien à voir. Même si de temps en temps, on prend l'évolution à partir de symptômes comme ça. On parle contre l'avortement, mais de quel droit les gens mettent-ils des enfants au monde? Ont-ils le droit? Je ne pense pas juste aux pays du tiers-monde où les enfants meurent presque avant d'être nés, mais ici aussi. Qui sommes-nous pour donner l'éternité à une âme qui ne la veut peut-être pas? Peut-être pas, et peut-être qu'elle la voulait aussi. Donc, on parle, évidemment, on spécule un petit peu. On parle contre l'avortement et on parle aussi pour, hein? Mais de quel droit les gens mettent-ils des enfants au monde? Ont-ils ce droit de mettre des enfants au monde, de les tuer après, de les euthanasier avant l'âge? Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que, je répète, qu'il y a des forces manipulatrices et on ne peut pas dire à quelqu'un « T'es manipulé, toi, là, tu fais ça, là! » Ben oui, mais c'est ça, ça va rien changer, toi aussi t'es manipulé quand tu y dis. Bon. Change absolument rien, ça va même renforcer ce qu'elle va faire. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain ne doit plus juger les autres. Vous devez comprendre le phénomène expérientiel évolutif de l'humain. Celui ou celle, à un moment donné, qui a un enfant, lorsque c'est arrivé, elle n'avait pas la vibration, donc elle n'avait pas la conscientisation nécessaire pour comprendre l'écologie de ce que c'est que de mettre un enfant au monde. N'ayant pas la possibilité de le comprendre, il se passe des choses qui sont plus ou moins réversibles par l'avortement et on a des enfants qu'on ne veut pas. C'est sûr, à un moment donné, on pourrait dire, ben laissez-les venir au monde et puis la société va s'en occuper. On va bâtir une société avec un paquet d'enfants qu'on ne veut pas. Bon, c'est pas plus brillant. Alors on va dire, oui, mais cessez d'en avoir. C'est extrêmement facile à dire. La preuve, tout le monde le dit. Mais la preuve que ça ne sert à rien, c'est qu'il y a encore énormément d'enfants et que l'avortement devient de plus en plus un phénomène. De quelle façon l'homme est manipulé? La femme peut prendre plein de contraceptifs, il y en existe aussi pour l'homme. Ça n'empêche pas qu'on plaigne d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ne les prennent pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se font manipuler pour faire l'amour, bien évidemment, ils sont dans un état de conscience où ces choses-là ne sont plus chez eux. Alors, ils font l'amour. À un moment donné, la femme va avoir un enfant, plus souvent qu'autrement. Et elle devra décider, parce que c'est facile de dire, tu sais, c'est la femme, elle a un maudit problème, la femme, évidemment. Surtout quand c'est l'homme qui veut décider pour elle, qu'est-ce qui va se passer. Présentement, moi, ce que je vous dis simplement, c'est que la femme qui avorte, eh bien, qu'elle avorte, la femme qui n'avorte pas, qu'elle n'avorte pas. Une chose est certaine, c'est que présentement, ça crée de l'expérience pour le monde de la mort, ça crée des conditions nécessaires à la transition de l'humanité dans les quelques années qui vont venir vers une humanité relativement différente et nouvelle. L'être humain doit vivre au maximum sa condition matérielle pour pouvoir finir par conscientiser le fait que ce n'est pas dans la voie matérielle exclusivement qu'il va rencontrer le salut, c'est-à-dire qu'il pourra se prendre en main. Donc, l'être humain doit vivre cette phase hyper matérielle pour arriver à maintenant, à un moment donné, à se retourner vers d'autres choses. Le problème, c'est que tous ceux qui se retournent vers les plans spiritiques, disons spirituels, abandonnent la matière. Ils font fausse route. Tous ceux qui se retournent vers les plans matériels abandonnent le contexte spirituel. Ils font fausse route. Celui qui est pour l'avortement n'est pas dans les souliers de celui qui est contre l'avortement, et vice-versa. Il y a un proverbe amérindien qui dit que tu ne dois pas parler de ton voisin si tu n'as pas parcouru 15 000 dans ses mocassins. Alors, évidemment, on peut en parler. Oui, mais moi, je l'ai eu, mon enfant! Oui, parce que toi, tu étais dans une condition vibratoire, psychologique, mémorielle, éducative, énergétique à avoir ton enfant. Mais si tu serais dans la condition de l'autre, tu serais l'autre. Et tu le ferais avorter. Alors, pour l'instant... Il y a une chose que vous devez comprendre. À quoi ça sert? Pourquoi l'intelligence règle-t-elle cette façon-là pour qu'on avorte? Pour la simple raison que ce n'est pas le temps d'avoir des enfants. pour la simple raison que présentement, vous devez évoluer, génétiquement améliorer vos conditions, et lorsque vous saurez cellulariser votre évolution, lorsque vous pourrez mettre des enfants au monde qui seront porteurs génétiquement de ce que vous avez changé, ce qui attend pour se réincarner ou pour s'incarner aura maintenant un véhicule plus raisonnable, de façon à ce qu'il n'ait pas passé 12, 15 ou 20 ans, comme vous l'avez fait, vous, à se retrouver. Alors, ce n'est pas une condition parfaite pour l'enfantement, donc le Québec voit une baisse. Mais le Canada, ça va monter ailleurs. Le Québec, ça baisse. C'est tout à fait normal. C'est au Québec que l'homme nouveau va naître en majorité. Il y aura des ectopistes à l'échelle planétaire, c'est sûr. Alors, présentement, ce n'est pas le temps, donc, d'avoir des enfants. Il y a des enfants qui naissent qui sont des enfants nouveaux. Mais il y a un paquet de phénomènes biologiques où on aurait des enfants, on pourrait les élever. Mais ce n'est pas conçu par l'intelligence. Alors pourquoi ce n'est pas empêché? Parce que l'expérience émotive de l'avortement engendre une condition expérientielle au niveau social qui oblige l'humain à se réveiller sur la condition de la vie. Parce qu'on parle de l'avortement, on va parler de l'euthanasie. Parce que si on veut respecter la vie à la naissance, à un moment donné, on va aussi la respecter à la fin. Mais on ne parlerait jamais de l'euthanasie convenablement s'il n'y avait pas une conscience collective qui se développerait face à l'avortement. Alors, présentement, c'est absolument génial. Il y a des personnes qui n'ont plus de corps convenable et ce serait beaucoup mieux pour eux autres si on les laisserait s'en aller pour que, justement, ils y se reproduisent des choses plus tard. Mais on ne pourra pas comprendre ça si on ne vit pas le phénomène émotif de l'avortement. Il y a donc une raison parfaitement intelligente de cette chose. Et en même temps, ben voilà, on ne doit pas avoir trop d'enfants pour l'instant. Ce n'est pas le temps. C'était brillant. Quand on voit clair, on sait ce qui doit être fait. Quand on redescend dans notre astral, on commence à en douter. Comment faire pour savoir si on était dans l'illusion? Faut-il laisser une trace mémorielle au moment où l'on sait? Ou, si l'on ne voit plus clair, on peut pas savoir? Il y a une chose, la réponse est extrêmement facile et applicable. Quand on monte, et qu'on voit clair, puis à un moment donné, on redescend, puis là, on se dit, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que... Bon, on sait plus. Prenez-vous simplement pas au sérieux. Ce que vous avez fait, ben vous l'avez fait, hein, c'est tout. Est-ce que j'étais connecté? Qu'est-ce que ça veut? Ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Peut-être que là, je suis bas. Qu'est-ce que ça peut faire? Prenez-vous pas au sérieux. Essayez d'être dans ce que vous êtes. C'est pas compliqué. Hier, la semaine dernière, on me demandait, vous avez écrit quelque part que vous ne vous trompiez jamais. Est-ce que ça veut dire que ce que vous dites est vrai pour l'éternité? Ben voyons donc, c'est vrai juste pour le moment où je le dis. Ah! Et la vie, c'est vivant! Moi, je suis vivant! Moi, je dis une affaire parce que présentement, c'est parfait, j'exprime une chose qui crée une condition dans ceux qui écoutent. Et ça permet de transporter une vibration, de l'énergie. Ça crée une condition expérientielle dans ceux parmi ceux qui écoutent. Ah, mais c'est pas la vérité! La vérité, ça n'existe pas, c'est une coloration de la réalité. Bon, puis le mensonge, c'est la coloration de la vérité. Non, c'est correct, prends-toi pas au sérieux, c'est tout! La journée, tu passes quelque part, il y a quelqu'un qui est malade, tu le guéris, ben... Sois pas épaté! Tu guériras plus jamais! Non, parce que quand ça va revenir, notre crime, j'espère, moi, aussi bon que la dernière fois. Tu vis dans tes mémoires, tu peux te connecter avec la vie, oublie! Non, reste simplement, tu t'en vas, puis c'est fini là. Puis quoi, j'ai guéri? Ben oui, mais c'est normal, c'est sa maladie n'était pas intelligente. C'est pas ça que je veux dire, tu l'as guéri! Ben oui, je l'ai guéri, c'est sûr! Mais non, c'est pas ça, personne ne l'a fait! Personne ne l'a fait! C'est pas une raison, il y en a qui pètent en flûtant, puis... Tout le monde fait pas. Oui, mais c'est naturel. Pour l'homme nouveau, ça devient naturel. Tu sais, l'être humain s'attache toujours aux symptômes de l'évolution. Trippe dessus. Hey, je l'ai eu une fois. C'est ça. Trippe dessus, puis suce-la, puis oublie. On sent que globalement, la vie a un sens, mais non pas chaque événement isolé, qui ressemble à des hasards. Mais l'humain aurait besoin que chaque événement le plus insignifiant ait un sens. En est-il ainsi? On a des questions drôlement intéressantes, c'est bien. En est-il ainsi? Ben effectivement, chaque petite partie d'un événement a un sens cosmique parce qu'on vit dans un écosystème, tout est interrelié. Lorsque l'humain voit le petit événement qui l'habite, n'en voyant pas les conséquences à l'extérieur, il pense que l'événement est stupide ou encore qu'on le fait souffrir pour rien ou qu'il se passe ceci ou qu'il se passe cela. C'est fou. En parlant de petits événements, les maladies. Donc, la semaine prochaine, on va parler justement sur le phénomène des maladies de l'homme nouveau et de la femme nouvelle, c'est-à-dire les maladies de l'homme transitif, les maladies de la majorité des Québécois. Et c'est un médecin qui m'interview. Si ça vous intéresse, ça sera le temps. Et s'il y a des questions plutôt médicales par la suite, alors on aura un médecin pour s'intéresser.